Hop, et bonsoir à toutes et à toutes, et bienvenue dans ce 42e épisode du podcast du collectionneur. J'espère qu'on vous a pas trop manqué, hein. On s'excuse pour la semaine dernière, mais bon, on va pas le dire trop fort, mais Beyond il avait la gastro, donc on pouvait pas le faire. On pouvait pas faire le podcast, on s'excuse, voilà. À toi Beyond. Ah, pendant que... Alors attendez, parce qu'on a un souci technique, les gars. Bon, alors attendez, parce que j'avais le son avant de cliquer sur commencer et je n'ai plus le son du Discord. Voilà, ça a l'air mieux. Alors, je voulais juste dire que merci moi pour ce layout de génie, surtout le troisième point. Ah, voilà. C'est vrai que j'ai pas été voir. Ah, oh, zut. Ça, je m'excuse, hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Discord a changé ses paramètres, mais à la volée. Ouais, non, mais c'est Discord. Ouais. Et donc, nous sommes de retour pour le joueur mauvais tour. Voilà. C'est okay. Ça. C'est ah, ça, sur le coup, on repart. Donc, toujours ce 42e numéro du podcast du collectionneur. On va l'appeler 42 bis. Voilà. et donc, ce soir, on va donc rapidement, à notre façon, faire un petit point sur l'E3 et ce qu'on a aimé ou pas aimé ou nos attentes pour les mois à venir. Mm-hmm. Et ensuite, nous allons parler de notre société française, Cocorico des jeux vidéo, qui est Ubisoft. Ah, oui. Voilà. Mais avant, nous avons quelques petites news. Enfin, quelques petites news. Alors, on va commencer, tiens, j'ai envie de commencer par une news triste, où nous apprenons donc le décès de la personne qui est à l'origine du design de Bomberman, notamment. Alors, je vais laisser le soin à Bosdick de prononcer son nom correctement. Merci de me prendre totalement. Shoji Mizuno. Non, c'était pour que tu le fasses bien, mais d'accord. Donc, monsieur Shoji Mizuno d'Hudson Soft nous a quittés. Voilà. Voilà. Et Beyond, c'est ce qui est. Voilà, on en parlait hier, mais avant d'apprendre. Enfin, je ne savais pas qu'il était décédé, en fait, mais on parlait du jeu tout récemment, quoi, parce que le Super Bomberman R sort cette semaine justement sur One et PS4 et il reprenait un design un petit peu inspiré de Puyo Pop Fever, hein. Mais c'était toujours le design du petit personnage classique et moi je le trouvais vraiment réussi, quoi. Ce qu'il a fait là-dessus, ah, j'adore. Ça aurait presque pu faire une mascotte pour Hudson, hein, mais ils ont préféré la petite abeille, hein, tu sais, Hudson, mais franchement Bomberman, c'est classe, quoi. Bah, ça reste, pour la majorité des gens, ça reste quand même la mascotte, ça, de Hudson. Tu trouves, ouais. Tu vois, oui. Ça se partage un petit peu avec eux. Bomberman, tout le monde le connaît, l'abeille. À l'époque, c'est PC Kid, hein, qui faisait office de mascotte, quand même. Mm. Un petit peu. Mais bon, maintenant, tout le monde se rappelle de Bomberman. Oui, oui, oui. Bomberman est immortel. Ça reste indissociable. Oui. Ouais. Bah, donc, paix à son âme. Et, oui. Et on parlait de décès. Oui. Yvette Horner est morte. Ouais, ouais. Bosdick maintenant, je sais pas comment. Désolé. Non, mais elle est pas morte dans mon cœur, vous inquiétez pas. Je vous abreuverai toujours de belles photos. Le tatouage d'Yvette sur la fesse droite, c'est toujours prévu? Toujours. Et d'ailleurs, je remercie Fury comme ça furtivement. Merci. On va lancer un Tipeee pour t'aider à financer le tatouage. Merci. Allez, news suivante. ne cherchez pas plus longtemps le rapport avec les jeux vidéo, surtout. Il n'y en a pas. C'était juste qu'Yvette. Il y en a, ils sont en train de parcourir sa bio sur Wikipédia, là, quand même. Attends, il y a eu un jeu vidéo sur Renault, il peut bien en avoir un sur Yvette. Hein. Oh, ah oui, possible. Voilà. Il y en a eu un sur Mokhtar. Ah oui. Merci. À chaque fois, j'essaie de l'oublier à quelqu'un qui me rappelle ce jeu. Allez, news suivante. Ouais, toujours dans le décès, en fait. Hein. Ah oui, vas-y. Bah, il y a le décès du cofondateur d'Atari, Ted Dabney. Oui. Oui. À l'âge de 81 ans. Mais oui. On reparlera d'Atari plus tard. Hein. Oui, pour en faire un podcast entier hein, sur Atari. Non. On va parler très brièvement après de leur connerie. De... Box VCS, mais très brièvement parce que. Oui, mais il y est pour rien, lui. Parce que pour le coup, là, ça a le don de m'énerver, quoi. C'est... Il y est voilà. pour rien, lui. Donc, pour le coup, voilà, tête d'Amni. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le cofondateur avec Nolan Bushnell. Désolé, j'ai mal à la tête et j'ai du mal à articuler. Et donc, c'était lui qui avait, je vais pas dire codé, mais fait le PCB du tout premier jeu. C'était pas à l'époque, c'était pas Atari, c'était... Ah zut, oh putain, j'ai un trou de mémoire. C'était publié chez Nutting Associates, c'était... CGG, voilà. CGG. Et donc, il avait fait le PCB de Computer Space, qui est en fait le premier vrai, véritablement, jeu vidéo d'arcade. Donc voilà, paix à son âme, hein, mort à l'âge de 81. Un monsieur de l'ombre auquel on n'a pas accordé beaucoup de crédit depuis très longtemps. Voilà, c'est dommage de parler de lui une fois qu'il n'est plus l'homme, malheureusement. Et ben... Bon, sur le coup, on va pouvoir continuer sur une note un peu plus joyeuse. Donc, Chou, tu voulais vaguement parler de cette histoire d'Atari. Non, mais si, rapidement, sur ce fiasco, qui ne cesse de nous surprendre. Allez, qui se souvient d'un truc un animal. C'est un animal qui peut se fondre dans la nature. Appelle ça un caméléon. Il y avait la Coleco Caméléon il y a un an ou deux ans. Enfin, on ne sait plus. Ça va tellement vite que pour le coup. Mais ce qui s'est passé, c'est en gros quelqu'un qui était venu en disant « Moi, j'ai un prototype. On va refaire une console à l'ancienne. » Enfin, bref. Et là, Atari nous refait le coup avec un truc. Pendant un moment, c'était appelé Atari Box. Maintenant, ça s'appelle Atari VCS. Ils ont lancé un truc sur... Je crois que c'est Indiegogo, il me semble. C'est pas Kickstarter. Bah, forcément. Parce que sur Kickstarter, pour du hardware, ils font un prototype. Et là, le prototype, ils l'ont pas. Donc, ils ont récolté, dans un premier temps, 3,5 millions de dollars. Vous allez dire, oh putain, c'est beaucoup. Bah, pour une console, non. Pour moi, c'est pot de zob, c'est que dalle. Le gros problème, c'est que dans leur trailer du Kickstarter, ils ont menti deux fois. Alors, par quoi on commence ? On commence par le truc qu'ils ont menti temporairement ou le truc où ils ont menti pour de bon ? Je voulais choisir. Moi, je dis commence en crescendo. Donc, le faux mensonge. Ok, alors, le moins... Pour le coup, c'est de gros, en fait. Bon, attends, on va commencer par le premier. Alors, ils ont montré des images de Tempest 4000, donc Tempest 4000, qui développe le jeu. C'est notre ami, l'amoureux des chameaux, Jeff Minter. Mon héros. Bon, ouais. Bon, il y a un souci, c'est qu'ils ont piqué des images de la version PC de Tempest 4000... Alors qu'à ce moment-là, au moment où le trailer est lancé, et donc au moment où la campagne a été démarrée sur Indiegogo, personne chez Atari a pris soin de contacter Jeff Minter pour lui demander eh ben, si tout simplement il avait l'intention de porter son jeu sur l'Atari VCS. Étant donné que dedans, c'est une distribution Linux. Après finalement 10 jours à base de Atari vous a menti, Atari vous a menti, finalement, il a admis que... Voilà, depuis, ils ont réussi à trouver un terrain d'entente. Il y aura Tempest 4000 sur Atari VCS, mais pas en lancement. Ça c'est le point. C'est ceux qui ont donné du pognon, déjà là, c'est... Ouais. Ça pue. Ils sont moyen contents, ouais. Proverbe africain, si ça sent la noisette, c'est qu'il y a de la pourriture. C'est ça. Scalino, il a résumé Kickstarter à mes yeux, mais je suis un gros con gris aussi, donc... il a résumé le truc pour moi. Il y a une forte odeur de noisette, quoi. C'est vraiment fou. Et donc, le deuxième, c'est que, en fait, donc, toujours ce petit trailer, je ne sais plus combien de temps il dure, mais il est très drôle parce que les mecs du forum Atari Age se sont amusés à le disséquer seconde par seconde, et il est très drôle. Il montre des images... du remake, je sais pas trop quoi, d'un vieux jeu Atari qui s'appelait Yars Revenge. Qui connaît Yars Revenge ici ? De nom. Voilà, donc en fait, Yars Revenge avait été développé par celui qui a développé aussi E.T. sur Atari 2600. J'ai oublié son nom, enfin temporairement, ça va me revenir, mais c'est pas bien grave. Donc, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Et ben en fait, étant donné que c'est pareil, hein, pour l'instant, ils n'ont pas d'image à montrer du jeu tournant sur Atari VCS. Ce qu'ils ont fait, ils ont affiché une vidéo sur une télé et on voit quelqu'un de dos qui fait semblant de jouer à Yars Revenge. Et c'est vraiment significatif. Le type fait vraiment semblant de jouer. Donc voilà, il y a encore eu plein de choses au milieu de tout ça. Mais donc, l'Atari VCS, ça sent pas bon. On peut peut-être parler. C'est même Atari VCS ou ils vivent pas en Europe aussi? Apparemment, si, ouais. Enfin, il y a plein de trucs. Ils vivent pas en Europe, mais par contre, ils ont pris les sous des Européens. Alors, oui. C'est ça ou je. Non, parce qu'il faut pas que je dise de bêtises non plus. Mais... Il semble que c'est ça. Et j'avais trouvé une info, je sais pas. Si je vais réussir à la retrouver. Les gens leur demandaient, parce qu'à un moment donné, il y a eu quand même le doute, hein, voilà, tu nous as menti deux fois, on va récupérer notre pognon. Et ils ont dit non, mais en fait, on rembourse pas. Ouais, donc, voilà. Voilà, déjà. Voilà, ça c'est propre. Et j'avais aussi trouvé une info sur qui gérait la communication de cette campagne Indiegogo. C'est apparemment une entreprise très bizarre qui avait déjà fait des... Ah, comment ça s'appelle? Un Kickstarter pour des robots, enfin des trucs, mais un truc totalement foireux. Donc voilà, pour le coup, c'est. L'Atari VCS, c'est la folie. À la limite, vous faites pas chier, vous voulez jouer à l'Atari, vous achetez l'Atari Flashback HD, oui. Qui est en commerce depuis un moment, et voilà, je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Si avec tout ça, les gens ne sont pas avertis. De se méfier de ce genre de projet. Ah oui, totalement, totalement. Après, quelque part, il y a des précédents. Hein. Il y a la Ouya. Et puis, oui, il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Oui, tu as la Ouya, tu as. Donc, il y avait le truc là, ça s'appelait Rétro Caméléon et après Coleco Caméléon, je crois, quelque chose comme ça. Ou Rétro VCS et Coleco Caméléon, un truc comme ça. Malheureusement, ça ne va pas empêcher. Que ce soit les gens qui ont du pognon de baquer ce genre de projet et les gens de mauvaise foi de continuer à piquer le pognon des gens. On va en parler après. Comment ? Non, c'est marrant parce qu'à côté de ça, t'as des boîtes qui font leur truc dans leur coin tout seul, tu vois, genre analogue. Ils demandent du pognon à personne. Ils y arrivent. Hein. Ils demandent du pognon à personne, ils font leur truc et ils marchent, mais vachement bien. Bien sûr, voilà. À des tarifs, effectivement. Mais ça, quelque part, c'est onéreux, mais. Problème. Ils demandent rien à personne et ça marche. BCS. La tarif VCS n'est pas annoncée à un tarif très abordable non plus. Oui. Ah, ah oui, elle est à $200 aussi. À un moment donné aussi, j'avais oublié. C'est vrai. Dans leur campagne Indiegogo, ils avaient fait aussi un truc. Je ne sais pas s'ils l'ont remis ou s'ils ont décidé d'arnaquer les gens. Ils avaient mis un tiers, genre, tu bacs pour telle somme, tu as le droit à tel truc en échange. C'est comme ça que ça marche. Oui. Et là, en fait, il y avait un truc, c'était genre Mystery Bundle, je ne sais pas trop quoi. Tu savais pas ce qu'il y a dedans, et ils l'ont retiré en fait. Donc les gens se disent, mais en fait, ils ont rien depuis le début, et voilà. Bon. En fait, c'est tout le problème d'Atari. C'est une boîte qui est divisée en quatre entités, je crois. Il y a anciennement Infogram, il y a la division qui gère les consoles, donc là, ce qu'on a avec le fiasco qu'on connaît. Il y a Atari Games, et il y a encore une autre entité. Enfin, c'est un merdier. C'est un merdier. Bon, est-ce qu'on avait d'autres news? Oui, on en a plein, en fait. Oui, moi j'en ai une rigolote. Hein. Si je vous dis Tommy Tallarico, vous pensez à quoi? Ah, Tommy Tallarico, ah là là. Je préfère les frites. Non, c'est pas... Intéressant. Kaboulox, animateur méga CD. Oui, dans d'autres termes, Tommy Tallarico, c'est un grand monsieur de la musique de jeux vidéo. C'est un musicien, oui. Enfin, un compositeur. Qui est le papa des Video Games Live et qui est aussi accessoirement maintenant patron de 1Télévision. Oh putain, oui, c'est vrai. Oui, ça y est, je remets ce que tu veux. Il allait faire revivre 1Télévision pour une console à bas prix destinée pour les non-joueurs. Les non-joueurs. Non, mais c'est clairement comme ça qu'il le dit, hein, pour les non-joueurs. Ok. Donc, pas de 3D. C'est 10 nouveaux titres, un émulateur pour faire tourner les anciens jeux. Alors, c'est qu'il y aura du Wi-Fi et des cartes SD, mais... J'espère de tout mon cœur qu'il n'y aura pas la même manette que sur la télévision, parce que pour le coup... Bah on sait, pas. Il n'y a, vraiment... vrai, hein. a vraiment aucune information. C'est... Autant des fois, on se dit « Ah, les gamins, ils ne savent pas tenir correctement la manette de Nintendo 64. Ouais, » Mais ouais. dans les mains d'un gamin, la manette d'un télévision, je te garantis que le gamin, il te regarde bizarre. Hein. Sans rire. J'ai un gamin, il pensait que au bas gauche droite, c'était les touches en fait du pavé numérique. Enfin bref. Donc normalement, l'annonce de la machine, c'est pour le 1er octobre. Et on sait que des vieux développeurs comme Steve Rouhanet ou Bill Fisher seront de la partie. Ouais. Donc j'ai hâte ou pas. Voir, faisons confiance à ce cher Tommy qui n'a pas fait que de choses. À voir. D'ailleurs, soit dit en passant, entre parenthèses, Tommy Tallarico, entre autres, parmi tous les jeux dans lesquels il a travaillé au sound design de certains jeux de la série Unreal et de Metroid Prime. On ne le sait pas forcément. Voilà. Et il a fait Cool Spot aussi. Voilà. Et ça, voilà, ses travaux Mega Drive. Il est très connu pour ses travaux Mega Drive, et moins pour ce qu'il a fait après. Je sais pas vous, mais Cool Spot, j'adore le jeu. Oui, et les musiques sont cool. Après, je préfère encore. Il a plus de 400, moi je crois, c'est plus de 400 musiques de jeux à son actif. Ça va. Hein. Donc c'est un bon petit daron de. C'est un daron. Musique. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre en news? C'est le moment où on dit que la Neo Geo Mini c'est de la merde ou on attend le prochain? On peut évacuer parce qu'on est à mi-chemin. On l'avait déjà dit, je voulais faire une transition, semaines, hein. C'est pour ça en fait, Beyond. Je sais pas si on en parle maintenant, on attend un peu. La transition, alors juste pour parce que sur le coup, notre petite rubrique shoot-out à quelque chose qu'on a bien aimé saute. Ouais, bah je voulais juste rapidement parler. Lorsque ils font de la merde, je dis du mal, mais lorsque c'est bien, il faut que je le dise aussi. J'ai acheté le premier numéro du MOOC, donc Rétro. Alors, je vous répète, ça a coupé. Ça a coupé. Rétro Laser. Rétro Laser chez ouais. Omake Book, numéro 1, donc le MOOC sorti par Florent Gorge, entre autres. Mm-hmm. Je suis passé outre sa couverture que je trouve absolument dégueulasse. Ah ouais, putain, ouais. Il n'y a pas XOR dessus. Et il sort dessus, entre tout. Autres. Mais il y a tout. Voilà, c'était ça le problème. Au moins, ça ne ment pas sur le contenu. Et finalement, je trouve le contenu pertinent, bien écrit et très intéressant. Voilà. Et je passe un bon moment en le lisant et c'est très agréable. Ça fait 145 pages. Après, c'est quand même 12,90€ pour du papier qui fait plus penser à du papier recyclé que du papier de grande qualité. Ah, c'est écologique, c'est bien. Voilà. Et donc finalement, voilà, je suis assez content, je trouve ça sympa et ça partait pas. Je me disais, oh, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être pas bien, et finalement. Non mais il est dit des trucs bien, je suis vraiment inquiet. Oh, le placement de produit, on l'a pas vu. C'est pas possible. Non mais c'est bien. Non mais alors là, oui, j'ai mal à la tête et tout. Non, très corpo. Très corpo, petit. Alors puisqu'on en est. Ah bah voilà. Allez, vas-y. Est sorti donc chez OREP. Ah hein, oui, oui. Une BD qui s'appelle Arsène Lupin et l'aiguille creuse. Exactement. Voilà. La BD officielle d'Arsène Lupin. Ah oui, qui marche du feu de Dieu au Japon. Voilà, elle s'exporte. Elle s'exporte. Une BD que les Japonais ont et que nous, on n'a pas encore. Bande de salauds. Attends, j'attends toujours mon exemplaire dédicacé que tu m'as promis dans mes rêves, petite pelle. Bah aussi. Ah, dans tes rêves. Ah bah... J'ai pas aimé ça, ouais. Bah du coup, c'est pour ça que je te le dis maintenant, là. Ouais, d'accord. Bon, bah, voilà. Donc oui, donc, ça coûte quel tarif pour combien de pages? Monsieur alors, 56 pages BD, plus un cahier pédagogique qui retrace les événements réels du roman, hein, comme tout ce qui est géographie et historique, et pour 15,20€, voilà, le prix officiel. Voilà, commandable chez OREP directement, pages. Ou alors sur la Fnac.fr. Apparemment, pour l'instant, les espaces culturels semblent avoir quelques difficultés à connaître l'existence de la référence. Mais la FNAC l'ont, donc elle est à la FNAC. Pour info, tu te fais la même marge sur peu importe où c'est commandé, c'est pour savoir si voilà. Ah oui, non, ça change rien. Ok, okay. C'était pour savoir si on conseillait aux gens de l'acheter sur tel ou tel. Ça change okay. quelque chose pour l'éditeur. Ok, ah, tant qu'à faire. C'est parce qu'on sait que tu sais, quand c'est des commandes sur Amazon, ouais, pas de pitié hein, avec les éditeurs, hein. Donc voilà. Donc c'est toujours mieux, je pense, de commander quand même chez l'éditeur pour l'éditeur. Sinon, moi... Bien sûr. Bah, ça change. Enfin, mais quelque part, l'éditeur, on le connaît pas. Toi, on te connaît. Voilà. C'est ça. C'est pour ça que je demande. Mais ouais. Non, mais ouais. Tu peux demander. Voilà. Mais c'est gentil, un million d'en avoir. Et voilà. Et vous avez droit à 10€, 10% de réduction si vous rentrez le code collector Galgun. Non. Ça marche non, pas. Si, ah, si, ça marche. Je pense. Je vais essayer tout de suite. Alors, je sais pas si quelqu'un d'autre avait envie de mettre en avant quelque chose, de parler de quelque chose de particulier. On a un proto cartouche d'un jeu Virtual Boy. Moi, tu avais posté le lien, non? C'était il y a un moment, ça. J'ai plus le. Donc le nom du jeu ce serait Bound Eye. Par contre, je ne sais pas si la personne a patché en fait, enfin a dumpé en fait le jeu. Oui, c'est ça que je sais. Il me semble que c'était son projet, mais qu'il savait pas comment faire et du coup il l'avait mis sur un forum. J'ai trouvé ça et oui, quelqu'un qui a effectivement la main sur. Alors pour être plus précis, c'est quelqu'un qui a la main sur un prototype quasiment achevé, voire apparemment une version finale. C'est vraiment une version finale en fait, ouais. Qui est plus avancée que tous les dumps qui existent à l'heure actuelle de ce jeu, qui ne sont que des prototypes. Voilà. Et donc sur le coup, la personne cherchait apparemment à trouver un moyen de faire dumper le jeu pour en faire profiter au plus grand nombre. Voilà, parce que l'émulation Virtual Boy, c'est grosso modo, hein, ça marche encore mieux que Fortnite. Hein, plus de monde émule la Virtual Boy que je joue à Fortnite, du coup, c'était très important. Mais surtout, voilà, le type a vraiment chez lui en possession quelque chose d'assez exceptionnel. Mais, voilà, il a un truc unique au monde en fait, je pense. Enfin... Totalement. Donc c'est plutôt stylé. Et apparemment, si j'ai cru comprendre en plus, c'est que ce jeu donc n'est jamais sorti. Mais ce serait pas dégueu, en vrai. D'accord. Ben, en vrai, il faut faire un jour qu'on en parle. C'est une machine qui est très détestée, mais par des gens qui ont jamais joué. En fait, je dirais pas que c'est une machine détestée, c'est juste une machine inconnue, en fait. Oui, ouais, voilà. Et incomprise. C'est une machine ouais. Nintendo inconnue et incomprise, oui, c'est ça. C'est surtout ça, en fait. Cette semaine, j'ai racheté deux jeux. J'ai racheté quoi, Mario Tennis et Téléroboxer. Ben, Téléroboxer, je me suis fait un peu casser par le jeu, quoi. Mais je le trouve pas dégueulasse. Bon, le Mario Tennis, par contre, non, on oublie, quoi. Après, c'est une ébauche. Hein. Oui, et puis ouais. on en avait un petit peu discuté dans un précédent podcast, et c'était Loose qui nous avait sorti un émulateur pour casque VR oui. De cette console. Et du coup, tu te dis, ouais, on pourrait y jouer dans les conditions d'origine, peut-être même dans de meilleures conditions qu'à l'origine. Je pense, oui. Je pense parce que pour le coup, tu serais pas obligé d'utiliser le stand et te bousiller le dos et la nuque. Donc ouais. Ça peut être le bon moment pour découvrir la Virtual Boy. Ou le Virtual Boy. On va peut-être pas rentrer dans les détails, dans les débats maintenant. Si vous avez un Raspberry Pi, vous pouvez toujours émuler ça. C'est vrai. Bon, sur le coup, on va glisser subrepticement donc vers la news qui va faire office de lien avec le premier sujet. Ouais. donc effectivement, les premiers retours pour la Neo Geo Mini ne sont pas extrêmement encourageants. En même temps, on s'en doutait. Légèrement. J'y ai cru parce que on avait parlé de la mais tu sais, avec la catastrophe d'émulation qui était la Neo Geo X. Je pensais qu'ils allaient se rattraper. Apparemment non. Faut croire que les leçons, ils ne les tirent pas, quoi. Non, c'est clair. Mais c'était pas SNK eux-mêmes, en plus, hein, qui s'étaient occupés de ça. Et puis là, c'est pareil. Mais bon, voilà, à croire que la Neo Geo en émulation. Enfin, après, c'est très bien parce que ça prouve que SNK, en fait, ils veulent pas notre argent. Non, mais en plus, c'est même pas un problème de l'émulation parce que vous avez vu, la Neo Geo, c'est facile à émuler. Hein. Vous avez vu aussi les pads ? Non ? Alors, sur le coup, moi, on en avait parlé, je crois, c'était dans le podcast, on était plus ou moins tombé d'accord que pour le coup, bon, en fait, même si la console, c'était sans doute non, les manettes, ça pouvait s'envisager. Et ben, en fait, il y a un connecteur USB type C, donc... C'est, d'une part, c'est un USB type C, et d'autre part, le stick est... C'est un machère oui. analogique moderne. C'est plus le, voilà. le truc avec le cliquetis original. Ah, bah c'est nul. Voilà, donc... Ça, c'est pas bien. Malheureusement. Parce que USB type C, à la limite, moi, je m'en fous. Enfin, c'est des ports qu'on trouvera très... Enfin, on en a déjà sur quelques machines. Pas toutes, attention, mais dans le futur, ça se trouvera. Mais par contre, oui, si c'est même pas en plus un stick qui essaie de reproduire les sensations d'origine, voilà. Qui était bien. C'était des... Donc pour le coup voilà quoi, donc non seulement tu vas pas pouvoir le claquer genre pour jouer au jeu Neo, et puis en plus bah t'as même pas le stick original, donc on oublie, merci SNK. Après, hein, voilà, ils avaient un plan marketing solide comme d'habitude, hein, on sort deux modèles différents avec 14 jeux différents de l'un par rapport à l'autre. Bah ils ont fait comme Nintendo. Les 14 différents, voilà. C'est 40 jeux. Ils ont fait comme Nintendo, une version pour l'Occident, une version pour le Japon. C'est ça. Ouais. Ou honnêtement, j'ai trouvé la sélection. Ouais, alors, c'était débat avec Beyond, parce que voilà, t'as dû venir à ça, mais je te coupe peut-être la parole. Vas-y. La sélection justement des titres japonais et pour les occidentaux. Et moi, j'aimais beaucoup la sélection pour les titres occidentaux, parce que t'avais Robo Army, t'avais Blues Journey. C'est vraiment des jeux que j'aime beaucoup. Mais Beyond regrette. Ah non, moi je suis d'accord. Moi, je regrette déjà, même si c'est pas le meilleur de la série, KOF 2000 heures. Parce qu'ils n'ont pas mis tous les coffres. Et moi, je regrette surtout Twinkle Star Sprites. Et moi, je regrette Neo Turf Master. Il n'y est pas Non, attendez, ils n'ont pas mis Twinkle Star Non, il est sur la version japonaise, pas sur la version internationale. Et il n'y a pas de Neo Turf aussi. Ils ont mis l'autre jeu de golf qui est moins bien. Ils n'ont pas de Neo Turf. Mais ils ont mis tous les Metal Slug pour nous. Ils ont mis... Les Japonais ont tous les coffres, et nous, on a tous les Metal Slug. Voilà. Non, mais si, c'est vrai. Hein, c'est... Ça, mais par contre, on a vraiment en coffre, on a le 95, 98, 2000 et 2003. C'est d'accord. Ça, hein, c'est ça. Ouais. Donc, je trouvais pas ça bien, hein, quand même. Hein. Mais bon. Ouais, donc, sur le coup, c'est un petit peu la douche froide. On va attendre, comme d'habitude, j'attendrai de voir des trucs comme Digital Foundry qui, je suis sûr, ne manqueront pas de faire une vraie analyse. Pour l'instant, malgré tout aussi, ce sont que des prototypes. Je rappelle qu'on n'a toujours pas de date de sortie officielle. Et de prix. On n'a pas de prix non plus. Hein. Le prix, j'ose même pas imaginer. Alors, il y a Fury Sanctuary qui dit, n'oubliez pas l'écran ultra low HD. On est sûr qu'on ne va pas parler de la qualité de l'écran, la qualité d'émulation dégueulasse, le HUD est immonde, les filtres aussi. Après, la qualité de l'écran, ils s'en foutent parce que tu vas brancher sur ta télé pour jouer. Ouais, puis après, il faut. C'est complètement con de mettre un écran pour ça. Techniquement, il suffit d'un écran de 240p aussi, si je dis pas de conneries. Oui, en fait, je crois que c'est ce qu'ils ont foutu dedans. Hein. Après, il peut y avoir un écran de merde. Hein. C'est un écran LCD, je suppose, de toute façon. C'est... Donc, ça peut être un mauvais écran. Ça reste. Ultra low HD, on s'en fout, ouais, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais à la base, c'est pas tellement fait pour jouer sur la borne, c'est fait pour brancher sur la télé. Ouais, c'est ça. L'intérêt de mettre un écran sur une mini borne comme ça. C'était de base une mauvaise idée. Ouais, mais totalement. Mais bon, ils sont plus à ça près. Ah ouais. Ce qu'il y a bien, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, ils veulent pas notre argent. C'est ça qui est bien. Non, mais ils font une Neo Geo Mini avec une AES de base avec les joysticks. Voilà et tout. Je te garantis que ça se vend. Ouais. Bien sûr que ça se vend, on veut que ça. Nous. C'est pas compliqué pour nous satisfaire à ce niveau-là. Mais ouais. Bah, c'est pas grave. Cette Neo Geo Mini, c'est qu'un des détails qui s'est passé à l'E3 cette année. Des petites choses. Et un E3 assez merveilleux. Ouf. Où on a cru jusqu'au dernier moment que... Il suffisait à Nintendo juste de franchir la ligne d'arrivée pour gagner. On n'avait juste pas prévu qu'ils arriveraient à se vautrer juste avant. Oui. Oui, ils ont même abandonné la course. Non, en fait, ils n'ont rien abandonné du tout. Ils ont fait ce qu'ils savent faire, quoi. Ils sont partis du principe que les gens voulaient un Smash Bros. Ils nous ont donné du Smash Bros. Non, non, mais voilà. C'est... Bon, on arrive peut-être trop vite à Nintendo, mais je veux dire, ils ont fait en fait ce qu'ils font depuis des années, mais là, ils ont enfin assumé. Ah, oui. C'est-à-dire, le 3, en fait, on s'en fout. On fera juste un Nintendo Direct comme un autre qui aurait été fait pas à le 3. Voilà. Et puis voilà. Et ils ont juste fait ça, en fait. Et du coup, tout le monde, moi le premier, on était. Ce qui est très drôle, c'est que le Nintendo Direct, il y a quelques mois qu'on a commenté en direct, bah en fait, il était mieux, il y a plus d'annonces. C'est vrai, hein, sans rire. Je pense que le 3 peut être résumé comme ça, parce que je pense que c'est vraiment ce qui en sort. Microsoft, on a 50 jeux. Sony, on a 25 jeux. Nintendo, on a un jeu. Ouais. Non, pas un jeu. Alors, c'est on pas tout à fait on vrai. On a Demon Cross Machina. Mais qui m'intéresse. Un jeu et demi. Non, je dirais pas tout ça. Mais non, ouais, ça m'a marqué le fait que Microsoft, la première chose qu'ils disent en ouvrant leur conf, c'est on va vous présenter 50 jeux. Ouais. Genre, ils avaient envie. C'est dire... Non, mais ils ont compris. Il y en avait quand même une quinzaine là pendant leur, il y en avait une quinzaine pendant leur petit trailer de 2 minutes là. Oui. On n'a absolument rien vu de aucun des jeux. Hein. Qui a retenu un jeu de dans ce trailer? Alors si, il y avait Sable. Puisqu'il a été présenté après la conf PC, donc on l'a... Voilà, ah, mais... ça m'intéresse beaucoup. Et voilà. Ah, bref. Oui. Je sais pas. Par quoi, comment on attaque? Par le début, je dirais, oui, la première chose qu'on a fait, pour moi, qu'on a regardé, c'est-à-dire la conf Microsoft. Et... Unravel 2. Parce que Microsoft a fait... Oui, ah oui, c'est vrai qu'il y a eu EA avant. Bah, il y a eu EA, ouais. Ouais, EA, c'était bah, EA, quoi. C'est EA, bon. À ce moment-là, ouais, bah, oui. Mais il y avait même les petites annonces Sony après E3, hein, comme 5 jours avant, alors que l'E3 était déjà officiellement commencé. Bah, disons que EA, c'est difficile d'être déçu, parce que tu sais d'avance ce qu'ils vont faire. Ouais. Ils font du EA, donc tu peux pas être déçu. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont présenter. Donc... La seule vraie surprise d'Electronic Arts, comme tu as dit, c'est le Unravel 2 disponible tout de suite. Hein. Non, tout de suite, j'ai pas vu ça. Oui. Ah, oh, il est dispo Insta. Hein. Ah, il est tout de suite Insta. Dès qu'ils ont fini, allez-y. Ouais. Allez-y, téléchargez. Ça, j'ai pas fait gaffe. C'est mon syndrome du déficit de l'attention, en fait. Mais ouais, non. Ça c'était très, avoir, très bien. Pour avoir jusqu'à maintenant parcouru 2 niveaux dans le jeu avec madame, bah, Unravel 2, c'est bien. Non, mais je dis rien, c'est mieux calibré que le premier. C'est intéressant. Si t'es client du truc, ouais, c'est bien. Et puis le mettre à disposition directement. C'est bien. Ça a toujours son petit effet hein, quand même sur scène quand on dit le mec te dit disponible maintenant. C'est clair, hein, ça marche. Hein. Bah, je confirme. Qu'ils avaient ça parce qu'autrement. Je confirme. Voilà. Il y en a qui l'ont fait un peu après. J'ai fait. Oui. Bref. Non, en tout cas, j'avais vraiment vraiment bien kiffé le premier, les musiques, l'ambiance, c'était super. J'ai vraiment bien aimé pour le coup quand comment dire la confier, bon, beaucoup de gens chiaient dessus en disant c'était de la merde. Bon, il n'y a pas eu Skate 4, on est d'accord, mais il y a eu un Unravel 2. Bon, il y a eu un jeu de skate annoncé. Ouais, oui, mais c'était pas c'était pas hier, mais... c'est Session et je sais plus chez qui après. Non, mais il y a et ça a l'air bien hein. Sur PS4 c'est Session, cherche le nom de l'éditeur, mais après faut jamais oublier qui est s'adresse au public américain avant tout. Oui, enfin, bah, je sais pas, mais ils ont beaucoup parlé de FIFA. Hein. Enfin, pour le coup, Session, c'était déjà, en fait, ça avait déjà été annoncé bien avant. Oui, FIFA, ils sont obligés parce qu'ils se récupèrent avec des champions, mais quand ils invitent un YouTuber de football américain avec un type que tu connais, un type que tu connais pas, voilà, tu sais à qui ça s'adresse. Oui. Mais voilà, les chroniqueurs sont sortis Battlefield, sortis voilà. FIFA, et encore la presse de Battlefield Live, et voilà quoi, enfin tout va bien. Hein. Apparemment, Session, c'est un studio indépendant qui s'appelle Creatures, un truc comme ça. Ouais, mais la presse de Battlefield, je veux dire, on n'a rien vu quoi. Enfin, bah, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de montrer grand chose. Oui, c'est sûr, mais bon. C'est un jeu qui se vendra de toute façon. Je suis en train de regarder du gameplay de Session, ça me vend du rêve. Un jeu de skate en 2018, c'est un segment qui manque cruellement, moi, je trouve. Bah, ouais, le dernier en date, c'est Oli Oli, quoi. Ouais, enfin... Ouais, c'est vraiment un jeu de skate, je sais pas. Bah, c'est le dernier jeu de skate qui est sorti, ouais, qui a marché un temps soit peu et qui n'était pas dégueulasse. C'est OS, ouais, ouais. T'as eu Skate 1, 2 et 3. Enfin, 1 et 2 étaient vraiment fabuleux chez... Ouais, mais le 3, le troisième, j'ai détesté le jeu. Ça remonte à combien d'années? Ça remonte à 10 ans, une dizaine d'années, non? Peut-être 6-7 ans, hein, un truc comme ça. Ah oui, parce que c'était sur PS3. Beyond de dire quelque chose. Si je peux me permettre un petit détail. On avait dit, enfin moi je l'ai dit notamment il y a pas longtemps, c'est bizarre sur cette génération de consoles, il n'y a aucun jeu de tennis. Oui, il y en a un qui est sorti, et finalement... Il y en a deux qui sont sortis, et les deux sont médiocres. Donc, le meilleur arrive là, à bientôt là. Il a eu 33 sur 40, sa Famitsu. Bon, après, on ne parle pas de Mario Tennis. Hein. C'est le meilleur jeu de tennis, la simulation la plus accurate. Mario Tennis. Voilà, qui a eu 33. Sur Virtual Boy aussi. Si j'étais un troll, je dirais enfin un jeu de tennis où on s'amuse, mais bien entendu, ce n'est pas mon genre. Vous êtes un faquin, monsieur. J'aime pas les simulations en fait. Non, mais alors. Je comprends qu'on puisse s'amuser sur une simulation, puisque justement c'est un genre très technique et il faut vraiment faire gaffe à ce qu'on fait, mais je ne m'amuse pas sur une simulation, qu'est-ce qu'elle soit. Un jeu de tennis où tu peux jouer avec une boule avec des dents enchaînées, arrêter le temps, coller des grosses patates à sortie de l'autre bout du terrain, je prends. C'est pas... en fait, Mario Tennis, c'est, comment dire, c'est pas vraiment un jeu de tennis, c'est un jeu de baston. Oui, non mais totalement. T'as des coups spéciaux et tout, voilà. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vois le jeu. Mais en plus, tu peux battre ton adversaire en lui explosant toutes ses raquettes. Voilà. C'est un peu comme la jauge de garde. C'est dans Coupe 2002 ou dans Coupe 98. Ouais, c'est totalement un jeu de versus, hein, en vrai. Ouais. Les jauges de garde. Ou alors c'était dans les Alpha, Fighter Alpha. Je sais plus. Enfin, c'est pas bien grave. Mais bon, sur le coup, c'est loin un poil de l'E3. Ouais, là, c'est pas l'E3, là. Enfin, donc, ils en ont parlé dans l'E3. La première grosse conf constructeur qui a eu lieu, c'est celle de Microsoft. Ouais. Que j'ai trouvé relativement correct, en fait, même assez bien. Ouais, elle était cool. Hein. Bien rythmé, c'était bien. Très bien. Il y avait des jeux, il n'y avait pas trop de blabla, et ils ont montré plein de choses. Voilà, c'est ça. Alors, évidemment, t'en as toujours pour râler en disant qu'ils n'ont jamais montré que des jeux de poum poum poum poum poum poum. Ori 2, par exemple. En même temps, oui. Microsoft, il parle à son public américain aussi. Voilà, il y a du. Mais il y a beaucoup de jeux. Après, ça manque d'exclus, mais ça. Après, après DMC5, c'est les premiers à avoir présenté Berseria. Ils ont eu la chance de pouvoir présenter les jeux en premier aussi. Les exclus Microsoft, il faut arrêter. Hein, les exclus Microsoft, ils auront quoi? Bah si, Halo et Gears quand même. Hein, ils ont quand même présenté dans la même conf Halo et Gears of War. Comme c'est pas... Gears of War, j'ai failli faire une crise cardiaque. Après, c'est pour PC aussi. Je parle d'exclus Microsoft, hein, pas de... Bien sûr. Un nouveau Forza Horizon. Quand même, qui s'annonce très très bien. Hein. Aussi, oui. Et qui a pas l'air dégueu. Soit dit en passant, parce que j'avais dit, ce qu'on a vu, ça tourne pas sur une Xbox One X. Et apparemment, si la version One X est bien confirmée à 60 FPS. Hein. Et c'est prévu pour octobre, je crois, c'est ça, non? Donc, ouais, ça arrive là, ça arrive comme d'hab, ouais, à fin d'année. Ouais, mais je suis d'accord avec vous, c'était vraiment propre. En termes de conférence, franchement, mais c'est. Bah, ouais. Ils ont appris de leurs erreurs. Hein. Plein de jeux, un peu de gameplay. Alors, par exemple, pour Halo, c'était un peu bullshit parce qu'on n'a pas vu de gameplay. Mais jeu, il sort dans 3 ans. Donc, Et comme dit Beyond, je crois que c'est Beyond qui l'a dit. Si c'est bien. Mais franchement, moi, je trouve que c'est un souci, le nombre d'exclus. Honnêtement. Parce qu'une conférence de constructeurs, c'est fait pour donner envie aux potentiels acheteurs de venir. Et là ce qui, enfin, de notre côté, il manquait d'exclus, mais ils ont quand même beaucoup de jeux. Ils ont la console la plus puissante du marché pour l'instant. Ouais. Bon. Ils ont leur place. Hein. Ils ont encore leur place. Les Américains font encore beaucoup confiance à la marque. C'est vrai qu'ils reviennent de loin. Et surtout, Microsoft donc a fait une des choses, enfin, a marqué les esprits dans cette E3 qui, pour moi, c'est un des événements les plus marquants. Et donc, Scalino en parle, et je pense que Pelle va nous en parler pendant à peu près 4 heures. Le trailer surprise à la fin de la conf Microsoft qui a mis tout le monde en PLS. Ah oui, Cyberpunk. Alors moi, j'ai un problème avec Cyberpunk en vrai. Non, merde. Non, non, mais je veux dire, le jeu... Non, non, mais attends, attends. Je vais t'expliquer le problème. Le jeu... Bah, c'est un super trailer. Tu vois ce que je veux dire? Personne n'a vu. Enfin, si, les journalistes l'ont vu. Mais nous, si, et d'après les retours journalistes, et les journalistes expliquent que c'est le meilleur jeu de l'E3. Et les ça gens, a l'air d'être une tuerie. Voilà, les gens te disent que c'est le meilleur jeu de l'E3 aussi. Il y a plein de sondages, un meilleur jeu de l'E3 Cyberpunk. Mais honnêtement, moi, je peux pas dire que c'est le meilleur jeu de l'E3. Je l'ai pas vu. Mais alors, je suis d'accord. Ouais. Non, mais ça doit être l'un de ceux que j'attends le plus, effectivement. Mais par contre, oui, ça doit être le jeu que j'attends le plus. mais je l'attendais déjà avant le 3, en fait. Tu vois, c'est... Ah oui, bah, le trailer a fait que confirmer direction artistique qui a l'air mais, pff, assez dingue. Une ambiance assez dingue. Mais en termes de jeu, parce que moi je veux jouer à des jeux vidéo, j'ai rien vu, donc voilà. Et justement, enfin, je voulais juste faire un petit rapide petit point sur CD Projekt parce que ça me fait rigoler. Donc, CD Projekt, pour l'instant, c'est un petit peu les chevaliers blancs du jeu, les chevaliers blancs du jeu vidéo. C'est-à-dire que il n'y a pas de DRM, il y a des mises à jour gratuites avec plein de choses, des DLC qui valent vraiment le coup, des développeurs qui se moquent des autres parce qu'il n'y a pas de loot box, ni de microtransactions, et que les jeux ne sortiront que lorsqu'ils sont prêts. Et en même temps, sur cette E3, il nous joue le coup de la présentation behind closed doors, y compris avec arrosage de gros goodies comme les petites statuettes qui se revendent à l'heure actuelle dans les 600-700 euros sur eBay. C'est-à-dire que là, sur le coup, je trouve la démarche franchement limite. Soit tu montes ton jeu, soit tu le montres pas. Mais là, ouais, là, c'est vraiment la pire façon de faire monter la sauce pour moi. Bah surtout que, tu sais, j'ai jamais vu autant de journalistes être autant d'accord sur un jeu, en fait. Oui, donc si ce qu'ils ont à montrer c'est ouf à ce point-là, enfin moi si j'avais un truc aussi ouf à montrer, je dirais regardez mon jeu, achetez-le. Donc voilà, c'est ça qui m'a surtout embêté. Surtout que dans la mesure où les journalistes l'auront vu, c'est plus un secret, c'est plus pas d'espionnage comme tout ça. Non, c'est juste qu'ils veulent faire monter la sauce. Mais par contre voilà, je l'attends le jeu. Il y a, enfin voilà. Ah, moi aussi. Quand je vois ce qu'ils ont fait avec The Witcher. Ce qui est dur, c'est je pense que là, alors, justement, on va parler d'Ubi après. Je pense que ceux qui, paradoxalement, devaient être le plus attentifs à ce que va donner ce Cyberpunk, c'est Ubi avec leur Beyond Good and Evil 2. Oui. Et j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui ont ravalé leur chewing-gum en voyant le résultat de CD Projekt en face. Quoi. Oui, mais moi, dans la conf, t'en as parlé vite fait, Vosig, de Microsoft. Moi, il y a un jeu qui m'a... J'ai fait ça sent bon. Alors, oui, Sekiro d'ailleurs me tente bien, hein, mais moi non, c'est Devil May Cry 5. Moi, je suis pas quelqu'un qui apprécie. J'ai adoré le fait. Alors après, faut aimer les trucs kitsch, hein, parce que l'espèce de rodents un peu survénère. Les cascades façon, on s'en bat les couilles. C'est cool, on le fait. Tu sais, on parlait de jeu de skate. Hein, il skate sur un missile à un moment dans le trailer. Enfin, mais je veux dire, oui, il fait un ollie sur un missile, le gars. Enfin. Ouais, mais il faisait déjà ça sur une part de pizza. Oui, non, mais je veux dire, mais voilà. Et justement, on retrouve le Devil May Cry vénère façon. Même j'ai envie de dire maintenant Bayonetta, on va inverser les rôles, on va le comparer Devil May Cry à Bayonetta, et moi c'est ça que je veux voir dans un beat'em all, quoi. C'est Devil May Cry de Camilla à la base, quoi. voilà. Et après, moi je fais partie des gens qui ont aimé le reboot. Je veux voir ça. J'ai pas craché sur le reboot non plus. Le reboot était un jeu bien foutu, très très bien foutu, mais le chara design on s'en bat les couilles. L'important c'est de coller des tartes. C'est pas parce que ton héros il ressemble à un trou du cul. C'est vrai qu'il ressemble à un trou du cul, l'héros, mais c'est pas parce qu'il ressemble à un trou du cul que ça fait un mauvais jeu. Celui du reboot, c'est une tête à claque. Celui du reboot, il est encore pire en plus, je trouve. Ouais, mais quand tu joues au jeu, tu éprouves un gros plaisir. J'ai éprouvé un énorme plaisir à y jouer. Ça, c'est une de mes parenthèses très rigolotes d'ailleurs de cette E3, c'est le nombre hallucinant de personnes sur ma timeline de Twitter qui ont pris des screenshots du héros de Devil May Cry 5 en disant oh là là, regardez ce que est devenu Dante. Oui, alors que non. à quel point les gens ne connaissent pas la série. Bah ouais, non, mais ils ne jouent pas. Non, mais Devil May Cry 4, et c'est pas un jeu qui fait d'ailleurs, on le voit. On le voit bah, par contre, si on le voit Dante dans le trailer. Oui, on voit Dante à la fin. C'est il ça, a quand même une sale gueule. Hein. Ouais, mais on dirait Sim. Quoi. Il a non, mais sans déconner, il a vieilli. Non, pas Sim, moi, je dis. Non, si, faut le voir. Hein. Je sais que c'est méchant, mais on dirait Sim. Moi, je ne m'en suis pas remis. Hein. Il est moche. Il a vieilli. Non, c'est vrai. Non, ça, par contre, je suis d'accord. Pardon. Mais moi, avec couler des tartes avec classe, voilà, c'est ça. Et oui, le jeu de, oui, le Sekiro, après Bloodborne, moi qui m'a vraiment mis une grosse tarte en début d'année là. Oui, j'ai joué à Bloodborne que en début d'année. Ouais, Sekiro, j'attends énormément, vraiment. Je joue à Bloodborne parce qu'il était gratuit avec le mais PS. On n'en a pas vu beaucoup non plus, comme Devil May Cry en fait. Vu des non trailers. Mais comme c'est, de toute façon, c'est ce qui s'est passé dans le 3. Ouais. Mine de rien, on n'a pas. Non, mais par contre, le développeur a donné beaucoup d'infos, hein, From Software. Ouais, il a fait une grosse interview. Et t'as vu, ça s'éloigne énormément des sous. Hein. Déjà, t'as pas de XP développant ton personnage. Hein. T'as rien de ça. C'est par l'équipement, en fait, que tu pourras développer. Donc, du coup, c'est plus un RPG. Il n'y a plus le côté RPG. Non, mais de toute façon, ils ont dit que voilà. Ça reste un jeu multiplateforme. Ok. J'espère qu'il n'y aura pas d'épée à deux mains pétées. ou de lance. Ouais. Mais sinon, on peut juste faire un petit mot parce que, bon, Halo, on n'en a pas vu. Par contre, Gears 5, bien aussi. Hein. Moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Gears Pop, c'était un grand moment. Alors, j'ai failli, j'ai des témoins, faire une crise cardiaque. Oui, c'était beau. Tu voyais le logo Gears of War, t'étais là, ah. Et puis après, tu voyais Gears Pop, tu faisais, ah. Et puis après, c'est un jeu mobile. Ah, ouais. Et puis après, un autre Gears plutôt tactical, là, qui peut être pas mal aussi. Mais Gears 5, on a vu pareil un petit trailer avec du gameplay, de la cinématique et tout, pareil très bien. Faut pas se plaindre, du pensez Gears. À ceux qui aiment Red Alert. Ouais, eux ils ont dû pleurer. Hein. Voilà. Oh non, on a eu Bossu qui... Non. Avec, avec une Gears 5, avec apparemment une femme à la tête de l'épisode. Et je dis oh non, parce que vous m'avez fait penser à quelque chose et... Ça a déprime là d'un coup. Hein. Bah, en fait, ils ont pris le nouveau perso le plus charismatique du 4 et ils se sont dit bon, bah, on va en faire le héros hein, parce que le héros du 4, c'était un peu une chaussette. Voilà, c'est. non, mais on va pas se mentir. Hein, Gears 4, le seul moment que t'attendais, c'était le retour de Marcus Fenix quoi, hein, dans tout le jeu. Bah, j'ai envie d'y jouer parce que j'ai toujours rêvé de jouer avec une chaussette. Et la fille était elle, charismatique, elle avait une vraie personnalité et tout. Enfin, voilà, c'est. Donc je trouve ça très bien, que ce soit l'héroïne en fait. Parce... Et Buzz dit que tu t'es trompé, hein, c'était pas Red Alert, c'est Command & Conquer. Oui, c'est Command & Conquer, effectivement. D'accord, moi je crois que c'est Red Alert. Croyez-moi si vous voulez, j'ai vu le truc, le trailer pour Command & Conquer, j'étais à fond, mais franchement j'étais à fond. Quand j'ai vu dans le trailer que c'était un jeu mobile, j'ai éteint la télé, je suis parti. C'est véridique. Pour le coup, j'ai même pas eu un petit moment de colère. C'était le froid, putain, mais vous faites chier. Des RTS en ce moment, il n'a pas 150 000. Ah putain, qu'est-ce que ça vous coûtait ça leur coûte du temps et de l'envie surtout. Et c'est ce qu'ils ont pas. Ils ont pas ça en stock. Ouais, mais c'est chaud, hein, le développeur, hein, enfin, je crois que c'est le producteur ou enfin, quelqu'un d'équipe de développement qui a dit non, mais oui, c'est un jeu mobile. Mais... Enfin, en gros, hein, il a dit carrément, c'est un jeu mobile, mais laissez-lui sa chance, bordel. Bon oui, mais le problème c'est ce que j'ai vu pour appeler, quoi. Parce qu'ils ont fait une démonstration de gameplay quand même et ce que j'ai vu au début je pensais pas que c'était un Command & Conquer déjà et tu sais je me suis dit ouais, ça ah ça moi j'ai vu le trailer j'ai reconnu Kane avec son crâne rasé et sa beubare j'ai repéré direct. Il m'a pas fallu 20 secondes, t'inquiète pas. Ouais mais dans le trailer oui mais parce qu'ils avaient déjà annoncé que c'était un Command & Conquer avant quoi enfin bref t'es... Enfin. Et donc après, on va passer rapidement sur la conférence Square parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Non, franchement, on peut même ne pas en parler. C'était juste des trailers YouTube mis bout à bout. Il y a eu une nouvelle annonce The Quiet dont Man. Dans un trailer de Kingdom Hearts 3, vous avez oublié les bruitages. Oui, voilà. Parce que je sais pourquoi. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Oh oui. C'est simple, hein, parce que le trailer à la base était la version japonaise du jeu. Ouais, ça oui. Et doublage, t'es pas fait ? Ils ont pas pu faire l'édit avec les voix US. Du coup, pour avoir les voix US, ils pouvaient pas avoir la piste japonaise. Du coup, il y avait pas de bruitage. Square Enix. Jean-Michel Bruitage. Square Enix, ils préfèrent le Confeu 3. Voilà, c'est... Voilà, et aussi, il faut que le lendemain... Pas de doublage français pour... Oui, oui, voilà, bon, le lendemain, on verra un trailer donc, de Kingdom Hearts 3 bien plus intéressant dans la conf Sony. Oui. Avec la partie Pirates des Caraïbes, tout à fait. Et donc, oui, la news surtout, c'est donc qu'on a appris, donc via, y compris via les doubleurs officiels de la série, via le doubleur de Sora en particulier, qu'il n'y aurait pas de doublage français pour Kingdom Hearts 3. Donald Regno, pour ne pas le citer. Ce qui est quand même un gros doigt fait aux Européens. Et bah, en fait, le truc, c'est que. 12 ans d'attente, et Square Enix Japon estime qu'il n'y a pas besoin de doublage français, parce que ça vient de Square Enix Japon. Le truc, c'est que c'était un très bon doublage français, en fait. Oui, c'est pour ça que les gens ne sont pas contents. Donc, il y avait, était fantastique en France. Il y avait gros casting pour les personnages originaux. Pour les personnages Disney, c'était les voix Disney. Mais c'était une putain de VF, on va sortir les mots. Bon, bah c'est dommage. Mais on voyait déjà venir la couleur, ils nous avaient plus ou moins préparé le terrain avec les compiles en mettant pas les voix françaises parce que c'était les versions plus et que du coup sur les passages plus il y avait pas eu le doublage français et tout. Mais bon, je trouve je suis d'accord, c'est dommage. Après j'y jouerai quand même. on a attendu 12 ans pour ça. Non. Mais bon, voilà. Mais oui, globalement. Et, là, et surtout, oui, pour la Conf Square, donc parler surtout des absents. FF7 Remake. Oui, bon, ouais. ça m'étonne même pas qu'il soit absent. C'est disparu. Oui, mais non, mais de toute façon, Nomura a dit qu'il voulait rien faire. Et il a indiqué qu'il est en train de travailler autant sur ce jeu qu'il avait travaillé sur Kingdom Hearts 3. Ah bon, ouais, voilà. Ce qui signifie, en d'autres termes, attendez-vous à voir le jeu dans quelques années. Oui, voilà. Non, là, on peut parler des... Il y a eu, The Quiet Man comme nouveau jeu, mais... Mélange de prise de vue réelle et de cinématique. Square Enix m'a quand même envoyé un mail pour dire « Regardez le nouveau trailer de The Quiet Man !» Mais je me suis dit « Mais les gars, il n'y a pas de quoi envoyer des mails à tout le monde. » Parce que t'achètes des collecteurs à 500 euros. Ça doit être ça, ouais. Et puis, il y a quoi... Qu'est-ce qu'ils ont annoncé d'autre Non, pas grand-chose. J'ai hein. pas noté grand-chose d'autre. Hein, voilà. Le reste, c'était des trailers YouTube, soit des trailers YouTube, soit des trucs qui ont été présentés dans d'autres confs et qui donnaient plus envie dans les autres confs. Oui. Bah, donc, on va pouvoir passer donc à la meilleure conférence de cette E3. Juste passer vite fait sur la conf PC. Ah oui. Pour rien du tout, moi. Pour Man-Eater. Man-Eater. Le jeu de requin tueur RPG avec un arbre de compétences. Ah oui, j'ai entendu parler ça. Déjà, rien que ça, moi, je... Non, mais oui, non, mais peut-être le jeu du salon, moi, en vrai. Non, mais totalement. Et aussi le Battle Royale de Sanity Happiness. C'était pas une chanson. Oh, ce truc, à 1000, c'est ça, un Battle Royale à 1000. Oui, de Cyanide Happiness. Ceux qui connaissent Cyanide Happiness savent pourquoi je suis content. Oui. Et c'est un Battle Royale où t'as 1000 joueurs, si j'ai bien compris, qui se mettront sur la gueule. Le trailer est exceptionnel. Façon cartoon avec un trailer à la con en plus. Ouais. Bon, à voir. Ouais. Oui, il y a eu un spin-off de Life is Strange sur mobile gratuit dans la conférence. Captain Spirit. Et c'est gratos, voilà, aussi. C'est vrai. Ouais. Et ceux qui aiment Life is Strange, je pense qu'ils aimeront parce que ça a l'air. C'est dans le même univers. Ouais. Très sympathique. Et donc, je disais, nous avons passé la meilleure conférence E3 de cette. Man-Eater. Pardon. Avec la fabuleuse conférence Ubisoft. C'est ça. Ou qui s'ouvre sur un panda qui danse. J'ai pas regardé, j'ai pas suivi du tout. Alors, est-ce que c'est toujours aussi cringy chez Ubi? C'était très bien. En termes de show, franchement, amusant. Oui, en termes de show et d'ambiance, c'était là qu'on. Je pense que c'était amusé, les mieux. Il y a encore la dame qui dit toujours amazing. Non, elle n'était pas là, elle. Ah merde, alors pour le coup, voilà. Mais alors, par contre, j'aimerais te dire un truc, parce que les confs Ubisoft depuis quelques années, enfin, au moins l'année dernière, mais je crois aussi encore celle d'avant, souffrent sur des trucs qui sont exceptionnels, mais pour deux raisons. La première, comme le dit Beyond, un panda qui se met à danser avec une musique bizarre, plein de danseurs et des costumes complètement fantasques. Avec des reprises de morceaux modernes façon poète poète. C'est ça. Donc, tu... voilà, tu hallucines, oui, oui, oui. Premier point. Et deuxième point, c'est pour Just Dance, alors, qui est un jeu qui continue de sortir sur Wii et Wii U. Putain. Et ça... qui se vend. Et qui se vend. Oui. Et ça, et c'est alors, exceptionnel. Mais je veux dire, les mecs, ils arrivent, blam, on te fout un truc n'importe comment, nawak, et en plus, c'est des jeux Wii, Wii U, Switch, PC, console, enfin... Mais je veux dire... Juste, soit dit en passant, enfin, moi, j'en ai parlé un peu avec Pelle, c'est quelque chose qui m'interpelle. je trouve ça incroyable, c'est le seul éditeur qui assume de faire un jeu comme Just Dance... au point de le balancer en ouverture de sa conférence dans un, comment dire, dans un environnement où tout le monde se la touche parce qu'on est des gamers, oui, vous voyez. Ouais, mais parce que en termes de vente, mais oui, ça, mais ça fait le taf. Parce que les gens qui vont jouer à Just Dance, ils regardent pas le 3 en vrai. Non, ils s'en foutent. Et il y a, y a un autre truc là sur cette présentation de Just Dance là qui est assez marquant, oui. Je trouve. Ils ont même pas pris la peine de dire c'est Just Dance. Tout le monde l'a compris, ouais, en 30 secondes. C'était, c'était sur les banderoles. Oui, non, mais tu sais, ils font pas passer le logo sur le stream, le flux du stream, par exemple, ils font pas passer le logo Just Dance 2019 et tout. On le voyait vite fait, ils ont pas pris la peine de dire un seul mot sur le jeu, parce qu'on sait ce que c'est. Oui, ils ont juste dit, tu le vois danser, tu sais automatiquement que c'est ça, quoi. Ils ont juste dit, voilà, il existe. Voilà, après, comme le dit Scalino, donc confirmation Kubi a bien... en otage Shigeru Miyamoto. C'est ça. Et... ah, mais ça, c'est exceptionnel, ça. C'est bon, ça. Il n'avait pas de pistolet Mario, ce coup-ci. Bon. Mais bon, dans l'ordre, la confubi, elle était... bon, ils ont montré leur jeu. Ils ont montré leur jeu pour tout leur public, c'est-à-dire y compris, on s'est cogné de longues minutes de Division 2 à regarder en disant, bon, ça finit quand. C'est ça. Mais on n'est pas le public, voilà. C'est pas notre tâche. Ah, du tout. Hein. Mais bon, quand tu vois que le jeu, il est encore... beaucoup joué, qui a encore un suivi pour le premier, tu comprends qu'il fasse autant de temps sur le deuxième. On a eu un deuxième interlude musical What the Fuck avec donc la bande son de Mario et Lapin Crétin avec le thème de Donkey Kong avec le titre grand cœur. Tu as quand même alors ouais grand, alors il faut quand même le dire. Ça c'était génial ça. Les mecs ils font venir. C'est ça, il faut venir Grant Kirkhope pour qu'il dirige un groupe avec. Une guitare électrique, un violoncelle, tu vois le chef d'orchestre qui dirige cette groupe, personne. C'est un groupe qui est connu. C'est un groupe qui est connu de base et qui fait des retrouvailles de jeux vidéo. Oui, c'est. Non, mais je sais pas ça, mais je veux dire. Ils ont mis la max. Ça, c'est chef d'orchestre classique pour une formation moderne avec des instruments saturés. Les gars, ils n'en pouvaient plus, quoi. Et moi, dis-nous qui est Grant Kirkhope pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, Grant Kirkhope, c'est un grand compositeur de musique. Il a fait quoi? Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie, mais il a fait plein d'autres trucs. Je ne saurais pas citer tout ce qu'il a fait, mais. Mais c'est un gros monsieur qui a beaucoup bossé pour Rare en fait. Ouais, énormément bossé pour Rare. Et là, donc, lui, voilà. Après, on a vu donc, dans la conférence, moi, un jeu qui pourquoi pas, le fameux Skull and Bones. Bah, ils ont montré. Là, cette fois, on a eu plein de gameplay, on a eu plein d'infos. Ouais. J'ai toujours pas compris s'il y avait une campagne solo ou pas, mais je crois que non. Apparemment, le jeu est orienté multi. Vraiment. C'est que multi ? Ah, d'accord. Que du PVP. Ouais. Et c'est dommage. Non, ça a pas l'air PVP. Par contre, ça a l'air plus. Enfin, il doit y avoir du PVP bien entendu, mais de la coop aussi. Mais la mise en scène, tout ça, tu te disais, ça a l'air canon. Hein. Je me suis dit, alors je vais troller bien sûr, mais je me suis dit, putain, ça a l'air Sea of Thieves, mais bien. Oui, effectivement, tu trolles, monsieur. Non, c'est bien. Enfin, moi, il me semble fort envie de voir. Mais bon, multi, c'est pas ma cam. Donc, moi non plus, j'aime pas le multi. Donc. Après, il y a eu un des autres grands coups de l'E3, à savoir, ah ouais, ça c'est le jeu à la con où tu mets un vaisseau sur ta manette et tu mets des trucs façon Lego, ça a l'air naze. C'est ça. Et 5 minutes après, oh putain, il y a Star Fox. Mais non, mais c'est exactement ça. Hein. Les gens ont chié sur le jeu jusqu'à ce qu'ils voient. Qu'ils entendent. Parce ah mais moi le premier. On est cons, les Nintendo Fags. putain, qu'est-ce qu'on est con. Non, mais moi, j'étais heureux. Hein. Non, moi, c'est surtout qu'après, bon, tu vois, Star Fox dans le jeu et tout, je me suis dit, bon, oui, pourquoi pas, machin. Non, par contre, quand ils ont montré le vaisseau Arwing, machin et tout, j'ai, en figurine physique, quoi, j'ai fait, oh, putain, bon, par contre, c'est 80 boules, quand même. Ouais. Ouais. On est dans les tarifs d'un Skylanders ou d'un. Alors par contre, j'ai vu apparemment les vaisseaux coûtent très très cher. Il y en aurait si on voulait acheter le jeu avec toutes les pièces disponibles et tout le Day One, 280 euros. Waouh. Ça va être bien. Oui, c'est... Sachant que je sais pas à quel point c'est important d'avoir toutes les pièces. Hein. Peut-être qu'avec juste le starter pack, tu t'amuses déjà. Si c'est comme Skylanders, t'es pas obligé d'avoir. Tu peux finir le jeu avec le pack d'origine. Et bien t'amuser. D'accord, voilà. Donc, tu peux très très bien t'amuser. Après, c'est juste de la complétion pour ouvrir d'autres passages. Donc voilà, donc du coup, voilà, vous aurez quand même un starter pack à 70... non, 80 euros 80 euros. Voilà. Avec vaisseau en plastique et tout. Donc, prix de... Finalement, le prix d'un jeu plus un vaisseau. Quoi. Enfin... Mais qui a l'air d'être de bonne facture quand même. Bah, je sais pas, ça. Ouais, je sais pas. Ça, d'un fort beau gabarit, pour citer Pierre Fuller. Oui. Et après, bien entendu, bon, Ubi nous a présenté en long, en large et en travers le nouveau Assassin's Creed Odyssey. Oui. Développé donc en parallèle d'Assassin's Creed Origins. Alors, ça se voit clairement dans le moteur graphique qui est le même. Oh, il y a les bugs Non, Origins était très propre. Là, ils ont bénéficié d'un an de plus, donc il ne va pas être pris de. Faut pas le prendre de cet angle-là. Je pense que c'est propre. Leur moteur physique, il tient la route graphiquement. Oui, parce que c'est un truc, je vais insister, c'est un truc sur lequel moi j'ai beaucoup trollé en disant qu'Ubi avait dit on va se laisser du temps pour les Assassin's Creed et tout. Puis là, ils t'en sortent deux, coup sur coup, l'une année sur l'autre. Mais celui-là a aussi bénéficié d'une année de plus, en fait, que Origins. Donc, en fait, oui, j'ai trollé, mais là, c'était pas bienvenu, finalement. On verra si l'année prochaine, ils en sortent un, par contre. Ouais. Sur le coup, on a toujours alors un rapport avec les assassins qui nous échappe complètement. Mais alors, je connais pas du tout. D'après ce que j'ai entendu, c'est plus tellement les assassins. Il n'y a pas de rapport direct dans la mesure où ça se passe avant l'histoire d'origine, ce qui est le début de la confrérie des assassins. Alors je connais pas du tout le lore d'Assassins, mais quelqu'un a dit que ça se passerait. Je sais pas ce que ça veut dire, mais que ça se passerait plutôt sur du point de vue, enfin du côté des précurseurs. C'est ça. Je ne sais pas ce que c'est, mais apparemment, ça a quand même du sens. Voilà. Et parce que je vais te dire, parce que ça me fait plaisir, tout le monde se la touche en disant qu'il y a le choix entre un homme et une femme, en disant, ça y est, on peut jouer une femme dans son Assassin's Creed canonique. Alors, dis-le très bien, parce que je vais le clipper. C'est jamais que la troisième fois que ça arrive, puisque donc je rappelle que Syndicate, c'est un frère et une sœur, et que les deux ont le même rôle et la même importance pendant tout le long du jeu, et que dans Assassin's Creed Origins, on peut jouer Aya, mais dans la mesure où les gens qui disent ça n'ont manifestement pas joué à Origins, je ne dirai rien de plus pour garder la surprise. Voilà. Donc sur le coup, ce n'est absolument pas la première fois qu'on a une femme à la tête dans Assassin's Creed. Comme c'est pas la première fois qu'il y a des femmes qui ont des rôles principaux dans les jeux vidéo, ou alors j'ai pas bien compris Horizon. Oui. Je doute. J'ai pas dû comprendre mais... Metroid non plus. Voilà. Ou Tomb Raider. Ou Beyond Good and Evil. Ou El Viento. Ou El Viento. Ouais. Oui. N'enfonçons pas des portes ouvertes. Voilà. Non mais c'est... voilà. Et donc, bah, tout ça pour dire que bah, moi, je suis... en même temps, c'est une surprise pour personne. Je suis client de ce que fait Ubi. Oui. T'es un putain de fac, quoi. Heureusement qu'on est là pour redresser la barre avec Nintendo, parce que sinon... j'aime bien les assassins aussi. Bon, je joue toujours avec 2, 3, 4 ans de retard. À pas sortir de son contexte, celle-là. J'aime bien les assassins. Aussi. Merci à toi, Guy-Georges. Oh merde. Vous n'avez rien entendu. Bah oui, si on vous parlait de grecs en jupette, forcément moi j'ai repensé à la vie de Brian. Ah la vache. Mais c'était des Romains, c'était pas des Grecs en plus. C'était des Romains, c'est des Romains. C'est pas grave, ça m'a fait penser à ça. Ça fait 2 minutes, je me retiens. Au bout d'un moment. Bon, ce coup, on peut passer à Bethesda. Parce que c'était Bethesda la suivante. Ils en ont beaucoup. Ben non, non, mais Bethesda, bon, on peut pas en parler rapidement. Doom. Ils ont annoncé Doom 2. Ouais. Doom. Un nouveau Doom. Doom, voilà. Doom. Un nouveau Doom. Voilà. Il y a eu des images aussi de... Comment ça s'appelle, Fallout. Oui, Fallout aussi. Oui, c'est vrai. Bon, Fallout, c'est leur gros jeu de fin d'année. Ils ont annoncé une suite à Doom que, ouais, Moa et moi, entre autres, avions beaucoup aimé. Doom 2016. Je joue aussi. Toi, tu y avais joué à Doom 2016? Ah oui, forcément. Voilà, donc c'était, on avait passé un très bon moment dessus. Donc, ah, carrément. On notera hein, que... J'y rejoue encore de temps en temps, histoire de me défouler quand j'ai une heure ou quoi à perdre. Ah oui, Doom, c'est cool. Hein. Non, non, ouais, non, on notera juste que Bethesda, donc Fallout, effectivement, gros jeu, et qu'ils ont présenté bien comme il faut et tout. Très bonne présentation du jeu. Si tu aimes Fallout, quoi, je pense que le... Enfin, je crois qu'il y a des gens qui sont contents et d'autres pas contents parce que du coup, c'est devenu un espèce de... MMO, non ? Alors, c'est pas vraiment un MMO, mais plus coop. Enfin, je sais pas. Bon, ouais. Bon, mais en tout cas, grosse présentation. Mais je voulais surtout pointer du doigt le fait qu'il fait partie des seuls avec Square Enix à oser sortir un jeu après le mois d'octobre. En 2018. Parce que Doom sort au mois de novembre. Just Cause 4 sort en décembre. Je crois que c'est les seuls jeux qui sortent fin 2018. Et Smash. Et Smash sort en décembre aussi. Ouais, ouais c'est ça. Sinon, tous les autres, c'est le 22 février 2019. Hein. C'est pas compliqué. Les autres jeux, c'est le 22 février 2019. Voilà. Ou alors dans 5 ans. Pour... Et après, donc, bon, Sony est arrivé, évidemment, comme d'habitude. Bon, il y a eu d'autres trucs dans Bethesda, hein, mais... On va pas parler d'Elder Scrolls 6, hein, un petit peu. Bah, on a vu un titre d'Elder Scrolls 6. Mm-hmm. On va pas s'exciter juste parce qu'on voit un titre, quand même, on n'est pas comme ça. Hein. Non. Pas du tout. Non. Pas du tout. Hein. Regarde le nom de la rubrique, Beyond, si t'as l'occasion de regarder le layout. Mais pas du tout. C'est pas notre genre. Et donc, oui, pour arriver à la conf Sony. Alors, la conf Sony, ben, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, j'ai rien retenu. Et bah non, alors moi j'ai retenu plein de trucs. Le problème de la conf Sony, là, par contre, que j'ai, c'est que je sais pas à quoi je vais jouer l'année prochaine chez Sony. Bah si. Ah bon ? Je vais jouer à quoi l'année prochaine ? Bah, le 22 février, il y a Days Gone hein, qui sort quand même. Ouais, oui. Il n'était pas dans la conf, mais effectivement, il était dans leur truc avant, effectivement. Et sinon ? Oui. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Bah, il y a KH en 2019. C'est Kingdom Hearts, mais moi, je vais y jouer sur One. Ah oui, spoiler, je vais jouer à Kingdom Hearts sur One. Non, mais The Last of Us, pas de date de sortie. Et à mon avis, c'est pas 2019. Non. Ghost of Tsushima... apparemment, c'est pas 2019 non plus. Il y en a même qui disaient que ce serait même pas sur PS4. Bon, je sais pas. Ouais. Bon, bah, t'as Spider-Man en septembre. Spider-Man, j'y joue en septembre 2018, mais ça, je le savais déjà. Oui. Ghost of Tsushima a l'air excellent par contre. Hein. Mais je sais pas quoi, je vais jouer chez Sony en 2019. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ça a l'air pas dégueu. Juste une petite question, si au cas où vous auriez suivi, mais moi j'ai perdu le courage d'aller chercher les news quand on me les fout pas sous le nez. Dreams, il est où ? Dreams a été présenté très fortement sur le salon, mais c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas montrable en... Non, mais en fait, ils ont fait des intermèdes avec. Par contre, tout ils ce ont qui fait... était présenté, c'était fait par Dreams. Ils ont fait les intermèdes, mais je vous invite aussi, oui. Par exemple, je sais que jeuxvideo.com, Panta, a fait pendant l'un de leurs lives, a eu l'occasion d'y jouer. Ouais. Le jeu a l'air exceptionnel. Pour ceux qui aiment la création et tout, là, ils ont mis la barre très très haut. L'interface par rapport à le ratio en gros, complexité de ce que tu peux faire et complexité de l'interface est très très très favorable quoi. Tu peux faire si vraiment des trucs de fou. Si vous aimez Little Big Planet. Voilà. Non mais Little Big Planet c'est de la merde. Little Big Planet et c'est Tearaway surtout. Je veux dire Little Big Planet comparé à Dreams, là ce qu'on a vu, Little Big Planet c'était que dalle. C'est nul. Non mais c'est juste pour dire que si vous avez aimé Little Big Planet, le jeu il est pour vous. Ah ouais, mais si vous avez pas aimé Little Big Planet, le jeu il peut être pour vous aussi. Donc voilà le. Mais par contre pas en conf, mais oui toujours prévu, toujours là et je crois que lui peut-être qu'effectivement c'est 2019, mais par contre moi je suis pas un créatif donc c'est pas un jeu qui va me qui apporter. Pareil. Mais par contre ce que j'ai vu c'est bluffant, c'est un truc de malade. Il paraît que c'est fantastique, hein. C'est clair. Ouais. Mais je vous invite à peut-être regarder jeux... sur internet, sur YouTube peut-être, il y a d'autres journalistes qui ont peut-être fait des reviews, mais c'est vrai que présenter ça en conférence, je les comprends un peu en fait. Ouais. C'est quoi le nom du jeu ? Dreams. Dreams, ok. Ah, j'ai pas dit que LBP c'était nul, j'ai dit que comparé à Dreams, la création de LBP c'était nul. Voilà, c'est tout. Pour moi, je dis qu'LBP c'est nul. Moi aussi, après, je le dis, mais pour une autre raison. Pas du tout. Mais donc, une autre chose notable par rapport à la conf Sony, oui, parce qu'on en parlait donc de spectacle et tout ça. C'était pas bien ce qu'ils ont fait. Bon, c'était pas bien pour nous, c'était bien pour peut-être pour les gens sur place, ils ont été contents de changer de salle. Mais le fait de recréer comme ça la salle de Last of Us, de Last of Us 2, avec l'intermède musical par le compositeur, bah, c'était vachement bien. Et enfin voilà, bah, c'est ça fait... comme on dit chez nous, deux salles, deux ambiances. Ouais, non, mais le problème c'est qu'en termes de rythme, ça a complètement niqué la conférence. Hein. Oui, mais attends, ce qu'il y a, c'est que c'est au niveau du spectateur hein, seulement. Parce qu'en réalité, justement, toujours avec Panta, tu le citais, ouais. Il a adoré ce changement de salle. Donc c'était juste pas... Ok. Tant mieux pour ceux qui étaient sur place, du coup. Ouais, voilà. Ils ont fait ça pour eux. Et forcément, visuellement, ça fait un gros break pour le spectateur dans son écran. Ouais. Mais là, par contre, je vois pas... je trouve ça un peu bête d'avoir changé de salle. Pourquoi ne pas être resté dans le décor enfin, parce que le son était dégueulasse. Ah. Sans déconner, D'accord. Le son était dégueulasse. Je pense que. Ouais. Après, pour les dates de sortie, ce qu'on jouera en 2019 sur PS4, bah, on jouera au jeu de la One aussi, hein. En plus du Days Gone. Non, mais, alors, bien sûr, bien sûr. Mais les jeux Sony, c'est ça que, tu sais, ça que je voulais dire. Oui. Bah ouais, c'est parce qu'ils ont pas de date, tous, ok, quoi. Mais c'est toujours mieux qu'ils existent, parce que sur One. Bah, je vais faire plaisir à Cap. Le truc c'est que la One n'a pas d'exclu, donc on le sait de base qu'on ne jouera pas. Enfin, n'a pas d'exclu, il y en a très peu. On le sait de base. Après, rappelez-vous, hein, Sony est coutumier du fait d'annoncer des jeux sans date de sortie. Voilà, ouais, voilà. Ah, il y avait Nioh 2 aussi, c'est vrai. Hein. Ils le font régulièrement. Hein. Voilà, mais le truc c'est que là, du coup, FFC remake, hein. Là, du coup, on va se retrouver avec une année Sony où il y a Days Gone, Dreams, il me semble aussi. Mais il y a quoi d'autre? Je sais pas. Un autre du grand absent de l'E3 pour faire plaisir à Cap Silver, c'est Medieval, le remake de Medieval. C'est vrai qu'ils ont pu en toucher deux mots. Tu fais bien en parler, disons. C'est que justement, Nintendo ont déclaré quelques jours après qu'ils ont gardé sous le coude, hein, tu sais, pour certains événements à venir, pour d'autres Nintendo Direct notamment. Et aujourd'hui même, Sony a dit la même chose pour le Tokyo Game Show. Ouais, c'est là où j'allais en venir, ouais, effectivement. Voilà, et que justement, ils ont d'autres jeux à annoncer encore. Mais voilà, ils voulaient répartir ça sur les trois salons de l'année, contrairement justement à Microsoft, qui ne fait qu'une seule conférence. Ouais, voilà. Parce que c'est là où j'allais en venir, c'est que Sony, sens qu'il faut que maintenant qu'ils ont trois conférences. En fait, Sony, maintenant, ils ont le 3, le Tokyo Game Show et leur PlayStation Experience. Et eux, ils veulent en garder pour les trois. Donc... Et même Paris Games Week maintenant. Paris Games Week, c'est vrai qu'ils font quelques petits trucs aussi, effectivement. Oui. Donc c'est pour ça que on n'a pas tout vu, c'est clair. Mais là, pour le coup, si je me fie que à ce qu'il y a le 3, voilà, je sais pas trop à quoi je joue chez Sony en 2019. Après, on n'est pas à l'abri d'une date de sortie pour les jeux. Mais le jeu que je retiendrai de la conférence, c'est comme toi en tout cas, c'est Ghost of Tsushima. C'est... Ouais, je sais pas, j'ai bien aimé l'ambiance, ça a l'air d'être un petit beat'em all, enfin un beat'em all ambitieux, mais un beat'em all pas comme Dark Souls et compagnie, ça a l'air d'être vraiment un beat'em all, quoi. Oui, voilà. Et ouais, j'ai pas compris, hein, c'est possible aussi que j'ai pas compris. Mais avec les voyages à cheval et tout, il y avait un petit côté Assassin's Creed, et puis Bushido Blade aussi, hein, dans les combats. C'est quoi le nouveau jeu de chez From Software aussi? Sekiro. C'est Sekiro. Voilà, ouais, c'est Sekiro. Ah oui, non, Sekiro, alors même Sekiro, Shadow Dies Twice. Ça a l'air sympa. Moi, ça a l'air sympa, mais ils l'ont annoncé donc sur la conf Xbox, celui-là, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça même s'il est multi aussi. Hein. Oui, mais bien sûr. Oui, c'est un jeu Activision, donc oui. Oui, il est multi. Mais en tant que ça, il y a une exclusivité Sony hein, qui a été annoncée. Mais là, je crois que Activision, eux, ils font pas d'exclus. Hein. Ouais. Non, mais il y a eu un jeu FromSoftware exclusif à la PS4, le PSVR, hein, qui a été annoncé, le Déraciné. Ah oui, oui. Effectivement. Mais jeux sympas, Sony, mais globalement, la conf, j'ai trouvé très en deçà de ce que j'attendais. Ben voilà, pas mal, je pense que c'est le cas de pas mal de monde. Après, ils ont bien embrayé sur, sur Spider-Man. Ah bah, bien sûr, Spider-Man, Day One. Hein. qu'il n'y a pas de souci, même si je l'avais ironiquement appelé Spider-Man Arkham. Ouais, oui, mais je crois que c'est plus ou moins assumé en plus. Ah oui, voilà, mais c'est ça, c'est totalement ça, de toute façon. Ouais, c'est logique, ouais, carrément. Et c'est bien, ça a l'air. New York, j'ai revu des vidéos cet après-midi, j'avais envie de voir un peu la surface, parce que justement, comme tu disais, Bidon, avec le côté Arkham, il y avait un petit défaut, je ne trouvais pas la ville de Gotham si grande que ça, tu vois. Mais là, le New York qu'ils ont fait, c'est démesuré. Hein. T'as vu la taille du truc. On le voit, la tour des Avengers, on la voit hein, dans la vidéo. C'est juste, ça a l'air fou, hein, franchement. Non, le jeu va être. Ça va être voilà, un jeu spectacle, ça va être très bien. Enfin, j'espère. Moi, j'y crois. À mort, comme dirait l'autre. Et donc, sur le coup de ces entrefaits, on s'est dit bah, alors là, c'est bon. Nintendo a un boulevard devant eux. Ils ont juste à nous assommer avec les jeux qu'on attend frénétiquement depuis l'année dernière. Ils ont juste à nous donner une date de sortie pour le nouveau Yoshi, à nous montrer des images de Metroid Prime 4. Ils mettent toute la terre en PLS. Et il s'est passé ce qui s'est passé. C'est le drame. Bah, en fait, quelque part, c'est Nintendo. C'est pour faire une petite parenthèse un peu grivoise. Et Nintendo, ils ont eu le coup de la panne, en fait. Mais non, mais en fait, alors je vais juste dire un truc. C'était assumé, c'était fait exprès. Ouais. C'est même pas le coup de la panne, c'était fait exprès. Ils en ont fait exprès. Ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et j'ai envie de dire, moi j'étais déçu. Pourquoi? Parce que je voulais voir Metroid Prime 4, en fait. Et je l'ai pas vu. Mais bah, moi, parce que faire 25 minutes avec du changelog. Ah oui, non, mais ça, 25 minutes. Je trouve que ça fait trop, même si je suis content qu'il y ait un Smash Bros. Mais en fait, voilà, c'est ce que j'explique au début. En fait, eux, ils ont fait leur Nintendo Direct Smash Bros. Comme ils font des Nintendo Direct Splatoon ou machin. Bah là, c'était le Nintendo Direct Smash Bros. Mais c'était à l'E3. Ils n'ont pas besoin de se fatiguer. Mais c'était à l'E3. Leur conférence, elle n'est pas terrible. Après, quelque part, je vais dire peut-être un peu une évidence, mais. Si Nintendo et même d'autres éditeurs ou développeurs trouvent que le 3 c'est un truc de has-been, qu'est-ce qu'ils s'emmerdent à y aller? Non, mais ils ont fait leur taf. Tu balances 2-3 trailers YouTube la semaine du truc, puis basta quoi. Mais après, ils ont fait un truc de l'E3, ils ont présenté un nouveau jeu, les jeux qui sortent, et ils ont fait 25 minutes sur le jeu important de l'année prochaine. Ou du moins même de cette fin d'année. Ouais. Non, le truc, c'est qu'en plus, derrière... Déjà, c'est comme Sony, en fait. Ils ont encore des trucs à montrer. Eux, ils ont plusieurs Nintendo Direct dans l'année aussi. Et ils font des trios. Et ils font ça toujours. Ils ont toujours fait ça. Mais après, si vous regardez le contenu de cette conférence, ils ont quand même montré le DLC de Xenoblade Chronicles 2, qui en fait sera apparemment tellement massif qu'ils en ont fait un standalone. Ils ont expliqué que Hollow Knight sortait... Là, maintenant, tout de suite, ils ont montré un nouveau jeu de robots qui, pour ceux qui aiment le jeu de robots, vous voyez les noms à la fin du trailer, vous avez des frissons tout partout. Moi, je vois Shoji Kawamori, j'achète. Quoi. Et ils ont fait un try-off du jeu de robots. Il y a un truc qui m'a bien plu, c'est que tu peux en fait exploser des robots adverses et en direct live leur piquer une arme et l'équiper à ton BK. Ce genre de truc, tu vois, petit truc toujours sympathique. Ouais, ok, ouais, il y avait 2-3 trucs, mais honnêtement, c'est une erreur. Hein, mais plomber ta conf avec 25 minutes de plateau, ça se trouve, ils auraient parlé de Smash que 5 minutes, on aurait dit, oh, il n'y a pas Metroid, c'est dommage. Ouais. Et c'est tout. Oui. Et en fait, là, non, il y a le Fire Emblem qu'ils ont montré, ils ont montré les jeux d'éditeurs tiers, la FIFA, machin, dans un trailer imbuvable encore. C'était ça, je vous le refais au ralenti quand même, tout le monde devant, c'est ça y est, ils ont fini de parler de Smash, ils vont nous faire une surprise. Et là, l'écran de fer. Voilà. Non. Voilà, c'est ça. Après Smash, ça nous démentiel tout ça, hein. Enfin, pour un fanboy que je suis. En plus, Smash, c'est ça. Il en fait façon drôle, c'est-à-dire du style, on va vous présenter une partie des personnages de ce Smash Bros. Et là, il présente donc tous les Smash Bros, tous les persos de tous les Smash Bros existants. Et après, ils sont censés, ah ouais, tiens, en fait, on en a mis un autre en plus. Voilà, voilà. Non, mais après, c'est normal qu'on soit déçu. Moi, le premier. Bah ouais. Mais pour quelqu'un qui aime Smash. Ah, mais même quelqu'un qui aime Smash. Pourquoi, bien sûr. Ben non, ouais. Malheureusement, les gens qui aiment Smash, tu sais, je parle vraiment des fans hardcore. Hein. Je parle pas des gens comme nous qui aimons Smash et qui effectivement, moi, je vais jouer, je vais prendre ouais, du plaisir. Moi aussi, j'aime beaucoup. Parce que Smash, cool. Je les gens pas. Sont contents. Attendez quand même de. Attendez avant. Ah, je sais pas ce qu'il faut qu'on attende. Par contre, ça a coupé. Ah oui. Attendez quand même de voir le modèle économique. Je s'il y aura des DLC, des machins. Je me méfie. Hein. Vu l'arnaque monumentale qui a été le dernier. Moi, je me méfie pas plus que ça. T'as déjà quand même 60 persos de base. Voilà, le roster connu jusqu'à présent est gigantesque, mais genre le c'est voilà. Bah, il veut presque rien dire, hein, même. Ils ont pas tout révélé, avec y compris donc les fameux personnages eux qui sont des personnages similaires mais avec des skins différentes comme. Skin et statistiques différentes. C'est-à-dire, en gros, ils vont avoir les mêmes coups, mais par exemple, je sais pas, il y en a, il va sauter un petit peu plus haut, ou tu vois, son coupé, il va être un petit peu plus fort. C'est les mêmes, mais pas tout à fait. Le roster est fou, et puis en plus. L'équilibrage du jeu va être dégueulasse. Ah oui, c'est un truc de fou. Alors, ça, l'équilibrage, on verra effectivement. Mais bon, ouais. L'équilibrage, il est déjà dégueulasse parce que donc, le tournoi a déjà eu lieu et on a déjà vu que, apparemment. Bayonetta est sur Kraken. Ridley est pété. Ridley est pété. Moi, je sais pas si c'est vraiment si assumé que ça. Nintendo, par le passé, ont foiré leurs conférences. Ça existe. Oui, bien sûr. Oui, mais là, pour eux, c'est pas foiré. Ouais, mais c'est là, mais je sais pas, parce que de toute façon, ils vont le comprendre, parce que là, cet après-midi, ils ont lancé un sondage pour les fans, et j'ai reçu le mail. C'est pour oui, côté. Oui, tout à fait, ouais. Je veux bien voir la gueule des résultats à la fin. C'est ça, mais le truc, c'est que ce que je veux dire, c'est que Nintendo, ils ont pas compris. Enfin, pour Nintendo, eux, ils ont dit, on va faire un Nintendo Direct. Mais ils ont pas compris que c'était l'E3, quand même. Ils font ça toutes les années. Mais le truc, c'est que. Ils vont dire bah ouais, on a foiré notre conf, mais on va vendre 15 millions de Smash Bros, alors on vous emmerde. Ça c'est clair et net, mais ils savent pas qu'ils sont un peu à l'E3, si, puisque dans les questions, ils mettent quelle conférence vous avez préférée. Ah ouais, et tous les constructeurs. Ils vont se faire démonter alors, je le dis. Ouais, mais après, quand actuel, ils sont fous. Mais par contre, après, ils vont chialer parce qu'ils vont pas vendre 15 millions de Metroid Prime 4 aussi, tu vois. Mais s'ils le montrent à tous les events où il faut le montrer. Ils posaient la question, quel jeu aurez-vous voulu avoir? Moi, j'ai mis Metroid Prime 4, évidemment. F-Zero. On a fait quand même une des plus gros leaks entre guillemets de cette E3, une des plus grosses rumeurs pré-E3. Oui. Le fameux jeu de course Star Fox qui devait être fait par Retro Studio. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas ce que Retro Studio est en train de faire. C'est ça. Did you smell what Retro Studio is doing? C'est juste qu'est-ce que ça veut dire que Nintendo, je pense qu'ils en ont encore sous le coude et que quand les annonces vont tomber. Ils disent qu'ils en ont sous le coude, c'est vrai, je suis sûr. Ouais. Mais c'est tous les constructeurs, de toute façon. Disons, comme il faut un Nintendo Direct tous les 2 mois ou 3 mois, quelque part. Mais voilà. Tu vas arriver là le 27 juillet, tu vas avoir une vidéo qui va sortir de nulle part qui va te dire la Nintendo 64 mini est disponible le 3 juillet. Regardez l'an passé. C'était quoi? C'est l'an passé ou il y a 2 ans l'annonce de... Ah non, c'était il y a 2 ans l'annonce de la NES mini. 14 juillet, sorti de nulle part. Au pif, voilà, l'été, hop là. La Switch. La Switch, c'était un moment au mois d'octobre. Ah, on va vous parler de la Switch, d'accord, ok. Hop, puis on en parlera un petit peu plus en janvier. Bon, voilà. Voilà, ouais. Petite parenthèse rapide concernant la NES Mini. Je le dis, donc, elle recommence à arriver en magasin et elle sera en promo à Leclerc à 55 euros. Oui, c'est une carte. C'est la bonne nouvelle, ouais. Pour ceux qui ont loupé la NES Mini. Voilà. Ouais. Profitez-en, vous pourrez rajouter tous les autres jeux dedans. C'est ça. Enfin, voilà. Et donc on est de cette E3 globalement, enfin on est obligé d'en ressentir un peu mitigé. Il n'y a pas eu de vraie annonce de jeu, il n'y a pas eu de montrage de choses qu'on attendait. On a parlé d'FF7 Remake, on a parlé donc de Metroid Prime 4. Il n'y a pas eu aussi d'hardware. Il n'y a aucune console qui sort cette année. Il n'y a aucune console prévue l'année prochaine. Moi, ça, j'ai presque envie de dire ouf, moi, personnellement, mais je suis peut-être le seul à raisonner comme ça. Non, mais ça fait bizarre par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années. Ça fait bizarre où, justement, les constructeurs ont eu tendance à multiplier les sorties, les itérations un peu plus puissantes. Ouais. Je pense que ça suffit pour un certain temps, quoi. J'ai encore envie de profiter de mes consoles. Je pense aussi qu'avec les One X et PS4 Pro, ils ont bien vu aussi où était la limite de beaucoup de gens. Je pense qu'il y a, comment dire, le parc de machines est suffisamment gros. Voilà, le problème de la PS4 Pro comme de la One X, c'est qu'elles sont censées, elles étaient censées, à terme, l'idée c'est de remplacer la précédente, c'est pas du tout le cas, continuer à aller vers l'avant. La One X, non, c'était pas. La PS4 Pro, j'avoue, je sais pas, mais la One X, ils ont jamais dit ça. Ils ont dit on voudrait qu'il y ait un parc du genre 10% de One X, 90% de One S. En gros, c'était leur idée. D'accord. J'ai pas les chiffres exacts, mais ils avaient dit on veut pas remplacer. Ok. Parce que oui, dans la mesure où, par exemple, Sony continue à vendre ses PS2 normales, ses PS2 Slim, c'est PS4 Slim, et en particulier elle a refait une nouvelle skin pour les Days of Play d'une PS4 Slim, c'est qu'ils ont encore envie de la vendre, donc... Ouais, mais je crois que là, oui, il y a quand même une petite différence avec la One X, justement, c'est que la PS4 Pro, elle est beaucoup plus imposée du côté de Sony que la One X, ouais, je crois. En termes de proportion, ouais. D'ailleurs, ils ont annoncé une PS4 Pro Collector Kingdom Hearts qui est pas belle. Rien que pour tout ça, oui. Elle est pas belle. Pas comme la Days of Play, hein. Ouais. Oui, c'est vrai qu'à des offlets, jure. Mais là où c'est un truc de ouf, c'est que je réalise qu'une PS4 Pro Kingdom Hearts, si elle avait été belle, je crois que je l'aurais achetée en plus. Fanboy. Ah ouais, non, mais j'assume. Oh putain, j'assume en plus. Non, mais je vais pas dire ça, j'adore Kingdom Hearts aussi, ça fait 12 ans que j'attends le jeu. Hein. J'assume, je suis un fanboy Kingdom Hearts. Et pourtant, je sais qu'il en a des défauts, hein. Nom de Dieu. Oui. Mais j'assume. Mais moi aussi, je suis comme toi. Et il y a une chose aussi que j'entends, j'ai juste en parler de ça parce que j'entends beaucoup ça, j'ai entendu beaucoup ça ces dernières semaines encore, des gens qui vous disent « j'achète pas la Switch parce que j'attends qu'il sorte un nouveau modèle ». Ah oui. Je sais pas d'où les gens pêchent que Nintendo va sortir un nouveau modèle de Switch, mais si on prend en compte le fait que la Switch est une console de salon, Nintendo n'a jamais fait ça par le passé sur ses consoles de salon. Avec Famicom, la NES... Non, je parle de capacité supérieure, comme la PS4 ou voilà, One X. Ce qu'ils ont fait, en gros, avec la DSi par rapport à la DS, ou avec la New 3DS par rapport à la 3DS. Les consoles de salon ont eu des rafraîchissements de design pour certaines, et encore, ça a été quand même marginal. Mais les consoles Nintendo, pour la plupart, elles ont fini comme elles ont commencé, quoi. Après, là, parce que chez nous... Alors, attends, parce que Nintendo, ils ont un marketing différent sur chaque région. Chez nous, elle est plutôt marketée comme la console de salon que tu peux ramener chez tes potes ou autres de temps en temps. Bon, au Japon, elle est considérée comme une portable. Mais au Japon, c'est une portable. Hein. Elle est vendue comme une portable. Ouais. Donc, je sais pas. Mais ça sera pas cette année. Si ça se fait, ce sera au moins l'année prochaine. Et si, c'est pas dit qu'elle soit plus puissante. Et autre chose aussi par rapport au marché des consoles qui est frappant aussi, c'est qu'il n'y a absolument aucune baisse de prix qui a été annoncée à cette E3. Ouais. Il n'y a aucune agressivité tarifaire d'aucun constructeur. Il y a une petite promo. Pour Microsoft, j'ai envie de dire, quand tu vois comment ils bradent leur S. Il y a une petite promo sur la One X aussi. Hein. Il y a une promo sur la One X. C'est-à-dire 50€. C'est... Donc, une petite promo. C'est pas dégueulasse, hein, quand même. Bon. Juste pour l'événement, c'est temporaire. Temporaire, oui. Mais bon, après, en termes de prix, après, une Xbox One S avec plein de jeux pour 150 boules. On a vu des... des fois, souvent, la Fnac, hein, te file One S si t'achètes une télé. Hein. Ouais, non, donc si tu veux vraiment une Xbox One S, voilà, tu peux l'avoir à un prix. C'est ça le problème aujourd'hui, enfin, Microsoft, on aurait presque attendu à la rigueur un coup du style que la One X baisse de 100€ pour concurrencer directement la PS4 Pro, quoi. En disant, pour le même tarif, vous avez une console plus puissante, voilà, et un lecteur 4K. Me dis, un jour... ce serait le troll ultime, parce que la Xbox One X est un PC Windows, en fait. Et là, ils disent alors oui, donc sur la One X, vous pouvez jouer au PlayStation Game Pass, je sais pas comment il s'appelle le truc, et ça me ferait bien marrer. Parce qu'il est compatible PC. Ouais. On peut jouer au jeu PlayStation sur PC. Je sais plus comment ça s'appelle le logiciel, mais c'est officiel, hein, c'est officiel, c'est pas du hack. Hein, mais et si un jour ça sort sur c'est Onyx, ça serait rigolo. Merci de nous le préciser, monsieur Moura. Ah bah oui, non, parce que quand je sais que moi quand je parle, souvent les gens ils se disent oui, mais alors attends. oui, non, mais on sait pourquoi, hein, Everdrive. Voilà, non, mais c'est pour ça. Non, là c'est vraiment monsieur, un truc officiel. Le... Everdrive, bah, c'est le PlayStation Now, c'est le PlayStation Now, ça s'appelle, voilà. Bah, le PlayStation Now. Qui soit compatible sur One X un jour, ce serait rigolo. Oui, God of War sur One X. C'est... Ah ouais, c'est... Il n'y a pas tous les jeux PlayStation hein, sur PlayStation Now, mais bon. Voilà. Non, je crois pas. Non. Il y a déjà surtout des jeux PS3 et PS2. Mais bref. Ok. Voilà, bref, sur le coup, un E3 en demi-teinte. Des constructeurs qui se rendent compte que ça sert à rien de bourrer la fin de l'année à part à se avoir à ce qu'il y ait des grands gagnants et des grands perdants. Alors, et donc sur le coup, qui se disent qu'ils vont bourrer le début de l'année suivante. Oui, voilà ce que j'allais dire. Ils ont juste déporté le problème. Hein. Mais il y a, à mon avis, une partie de leur problème était Red Dead 2, hein, je crois. Il y a Red Dead 2. Donc avec, alors évidemment, dans la série des absents, Rockstar, oui. Ils n'ont rien à carrer. Oui, mais Rockstar, non, ils s'en battent les couilles. Rockstar, ils arrivent un jour sur Twitter, hein, juste sur Twitter, ils disent on va vous mettre un teaser de 2 secondes sur un nouveau jeu. Et ça y est, tout le monde en parle. Rockstar, ils s'en foutent. Oui, mais ils n'ont pas besoin, regarde. GTA V continue à se vendre, c'est le jeu le plus vendu de tous les temps. Oui. Et t'imagines, ils annonceraient justement une vidéo comme ça en pleine conférence d'un constructeur. Ça serait le délaissement total du constructeur. En direct. C'est ça, enfin voilà, et Rockstar, ils s'en foutent. Ouais, moi c'est les seuls à pouvoir se permettre ça. Bah, en même temps, ils sortent un jeu tous les 5 ans. Et donc oui, comme tu dis, t'as Red Dead 2, il y a quand même des titres qui sont là comme nouvel Assassin's Creed, il y aura FIFA, il y aura Call of... Oui, j'étais mauvaise langue, hein, j'étais mauvaise langue tout à l'heure. La plupart des éditeurs, et il y aura Smash Bros, il y a la plupart des éditeurs et Just Cause 4. Disent, on est, ça sert à rien qu'on essaie de lutter. Enfin voilà, il s'est. Non, mais ils ont en fin d'année, les sorties sont étalées, je trouve ça appréciable, sauf ce putain de mois de septembre là. Il douille, hein. Oh là là. Spider-Man, Dragon Quest, Tomb Raider, qu'est-ce qu'il y a encore Pelle, ah oui, t'avais un jeu toi. Attends, je les avais notés en plus. Ah, il a fait sa petite liste. Et après, donc, oui, le début d'année 2019, bah, c'est un petit peu récurrent ces derniers temps, ces dernières années, où on avait début 2017, on avait donc du Persona 5 qui sortait, mais surtout du Horizon et du Zelda Breath of the Wild. Oui, puis tu pouvais enchaîner avec du Nier aussi, si tu voulais. Au début de cette année, on a eu le télescopage absolument hallucinant entre Monster Hunter World et Dragon Ball FighterZ le même jour. Oui. Bon, on sait qui c'est qui a gagné. Ah, bah là, oui. Mais ils sont sortis le même jour. Le même jour. Mais enfin, c'est. Oui. Mais il y a pas mal de. C'est que ça commence même à partir du 28 août, hein, du 28 août au 28 septembre, en fait. Ça commence avec Yakuza Kiwami 2, déjà. Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas dit que Yakuza était sur PC. Ah oui, alors là, très important, chat. Si vous avez un PC, même pas forcément puissant en plus, hein. Yakuza 0 à 16 euros. Ouais, 16 euros. Bon, 16 euros. Moins de 20 euros sur PC. Oh. Putain, achetez-le. Jouez-y. Oui. Faites pas les cons. Mais grave. Faites grave. Pas les cons. Si vous l'avez pas déjà fait, bien sûr. Parce que... 4K, 60 FPS. Oui, avec bon, ça. Pas un monstre. Ça, voilà, puis, quand tu vois si la. Si vous n'êtes pas pressé, je pense que la communauté se chargera de faire une traduction française en plus, si jamais l'anglais vous dérange. Il est possible que ouais, des blaireaux s'amusent. Enfin, des blaireaux, pas des blaireaux. Justement, l'inverse des blaireaux, justement. Je leur souhaite bon courage parce qu'avec toute la ligne de dialogue qu'il y a. Mais quand tu vois le temps que ça a pris pour faire une trad FR hein, sur des jeux comme FF7 qui ont sans doute la plus grosse communauté du monde, ouais, Yakuza 0, ça va taper. Voilà. Ouais. Mais même. Parce qu'il y a des gros titres qu'on n'a pas cités pour septembre. Oui, justement. On ferme la parenthèse. Voilà. Justement. Donc, je t'ai dit Yakuza Kiwami 2, ouais. Dragon Quest 11, Zone of the Enders 2 hein, qui ressort, le Spider-Man, le Tomb Raider, hein, c'est le 14, ouais. Code Vein. Donc, ouais, c'est chaud. Il y a pas mal de jeux, ouais. Alors, c'est pas tous des gros blockbusters, mais ça fait quand même pas mal de sorties, quoi. Et oui. on parlait de quelque chose qui manquait, je parle pour moi, Borderlands 3. Splinter Cell aussi, apparemment. Je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup Borderlands. Ouais, moi aussi, je trouvais ça. Et ben, apparemment, si j'ai bien compris, Cyberpunk, t'as un shooter, mais tes balles font des petits dégâts façon Borderlands, avec les dégâts qui s'affichent au-dessus des ennemis et tout. Et je me suis dit, tiens. Ça va être cool. Mais on n'a rien vu. Mais Borderlands 3 et Splinter Cell aussi, c'était une grosse rumeur pressentie et que dalle. Ouais, mais un Splinter Cell, moi, me ferait plaisir aussi, parce que moi, je fais partie des gens qui ont aimé les derniers. Donc, même si c'était beaucoup plus action, je me suis bien amusé avec. Je m'en fais pas, je veux dire, on va voir de quoi jouer. Oui, enfin, non, mais ça, je m'en fais absolument. Et si on n'a plus de quoi jouer, il reste des titres qu'on n'a pas encore finis. Oh, mais oui. Voilà. Mais pour des jours, des mois. Désolé. Voilà, bah c'est ce que je dis, moi j'ai toujours pas fini de jouer à des jeux à mes jeux de l'année 93, donc bon. Non mais moi aussi, il reste encore tellement de jeux à finir. C'est vrai. Il y a des jeux Super NES que j'ai pas fini non plus. Bah hein, oui, voilà, c'est pas de problème. Bon, en parlant des jeux de l'année 93, est-ce qu'on va parler un peu d'Ubisoft alors? T'as 20 minutes. Ah, on peut faire un petit time extension. Bah, peut-être faire une petite extension, non? Enfin, sauf si vous êtes trop crevé, hein, bien sûr. Voilà. Je sais pas. Vous verrez bien si vous m'entendez plus au bout d'un moment. Pareil. Allons-y. Ah, alors, sur le coup, voilà. Il était une fois des Bretons. On peut commencer ça comme ça. Hein, en plus, c'est dans le thème. Je peux juste dire un truc vite fait. Oui. J'aimerais. Alors, ils vont pas m'entendre, mais c'est pas grave. Ubisoft, lancez-vous dans le cinéma d'animation. Mais pour de vrai. Ah, parce à que... cause de BGE. Non, mais sans déconner. Beyond Good and Evil 2, je te jure, ils peuvent en faire un film. Ah oui. D'ailleurs, pour l'instant, pour moi, c'est qu'un film. Mais. Mais un sacré bon film. C'est ouf. C'est ouf. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc, il était donc, une fois... Donc, dans les années 80, il était une fois cinq frères issus de la famille Guillemot. Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian. Ils n'ont pas l'air issus de l'immigration. Hein. Oh, et donc, sur le coup... Ça fait pas très breton non plus, d'ailleurs. Ils ont décidé de s'associer... pour créer une boîte en 1986 qui décide d'appeler Ubisoft. Union. Pour la petite anecdote, on va en parler rapido. Ubi, il y a des gens qui croient que ça veut dire l'Union des Bretons indépendants. Mais ouais, ne détruis pas nos rêves, Beyond. Mais en vrai, absolument pas. Mais bien sûr que non, bah heureusement. Christian Guillemot en a parlé un jour et il a dit que son frère Gérard avait juste pris ce nom Ubi. Parce que ça sonnait bien. Voilà. Ça doit bien dire quelque chose quand même, non? Rien? Ben non. Oui, c'est Ubi et Orbi. Ubi, comme ubiquité, peut-être, je sais pas. Enfin, moi, il a dit que ça sonnait bien, et donc voilà. Non, mais ça, c'est. Soyez pas déçus, c'est un petit peu comme les fans des Pixies ou de Face No More qui croient que les paroles ont un sens. Oui, non, mais... ça en a pas, c'est juste que ça sonne bien. Cherchez pas. Non, mais voilà, oui, mais le problème, c'est que là, c'était rigolo. Enfin, je sais pas si quelqu'un avait pris au sérieux cette rumeur. Bah, tout le monde. Enfin, avant, tout le monde. Oh non. Moi, on m'en parle. Autour de moi, tout le monde me disait ça. Oh, mais non. Ça vous a jamais semblé beaucoup trop gros? je sais pas. Okay. Bon, ok. Et donc, sur le coup, la question, c'est comment est-ce qu'on va passer en 1986 d'une toute petite entreprise française qui va commencer à éditer des jeux pour micro-ordinateurs à aujourd'hui, 2018, une société qui compte 12 900 personnes qui travaillent sous ces ordres. Pour vous donner une idée, Nintendo, à l'heure actuelle, c'est un peu plus de 5 000. Donc oui, techniquement, Ubisoft fait plus de deux fois la taille d'une entreprise comme Nintendo. Putain, mais la vache. Ouais, ça fait beaucoup. Voilà. On n'a pas évidemment commencé comme ça. Ils ont commencé donc par éditer des petits jeux sur Amstrad CPC, Atari ST, MS-DOS, Amiga, Commodore. Est-ce que vous, vous avez les souvenirs de cette époque-là d'Ubisoft ? J'étais pas né. Ben, pareil. Allez, là ! Ah, dès la fin des années 80. On avait parlé, donc, le tout premier jeu édité par Ubisoft en 1986, c'est Fer et Flamme. Sur Amstrad CPC. Bah, voilà, perso, hein, c'est pareil. Il y a des jeux comme Zombie. J'y ai joué par contre. Ah. J'ai joué que récemment. C'est pas dégueu, mais c'est parti de ces jeux qui sont incroyablement datés en fait quand ils jouent. Okay. Mais le zombie qui s'appelle juste comme ça de Ubisoft, ah oui, sorti sur PS4, il le voit comme un reboot, hein, Vinek ? Je pense, il me semblait que ça avait été vu comme un reboot, celui qui est sorti, je crois que c'est Zombie U, je crois, sur Wii. Ouais, mais il s'appelle Zombie tout court sur PS4. Zombie tout court. Ah, ok. Ouais, mais ils l'ont appelé Zombie U sur Wii U. Okay, alors j'avoue que moi aussi, j'ai très peu de souvenirs de cette époque-là. On en parlait tout à l'heure off, il y a eu un jeu en 87 qui s'appelait Peur sur Amityville. Oui. J'en entends parler dessus, là, ce jeu. La particularité particulière était que la moyenne d'âge de l'équipe de développement composée de 3 personnes était de 15 ans. Oui, ouais, c'est pour ça que j'en avais entendu parler. Ah ouais. Ou basiquement, comme ça se passait à l'époque, les jeunes faisaient coder leurs jeux dans leur coin et ils approchaient Ubisoft qui leur proposait d'éditer les jeux. Oui, bah, c'était quoi, ils ont fait Electronic Arts, Sierra. C'est pas dégueu, mais c'est un mélange de jeux d'aventure classique et d'un jeu d'aventure textuelle. Donc, pour un joueur de maintenant, ça va être compliqué en fait de se mettre dans le bain. Il n'y avait pas une espèce de synthèse vocale aussi sur ce jeu, dans ce jeu ? Je me souviens plus. Non. Bah, la première synthèse vocale, c'est Mortevielle. Ah oui, ah, ouais, bah, je confonds. Alors ça. Ou Mortevielle. Voilà, ou morte truc. Mortadelle, voilà. Tout ça. Okay, et donc, Mortadelle. En gros, Ubisoft est crédité comme développeur sur la plupart de ces jeux de cette ère-là, alors qu'en vrai, c'était principalement, ils allaient chercher les jeux à gauche et à droite et ils les éditaient, même si sur le coup, les personnes qui étaient de fait, entre guillemets, travaillaient pour Ubisoft. En plus, ils n'allaient pas chercher n'importe qui, parce que quand tu vois les jeux qu'ils ont, de quelle société ils ont édité à l'époque, c'était déjà pas mal. Hein. Parce que Sierra, c'était la grande époque, quoi. Donc ouais, ils ont fait du bon boulot. Hein. Je pense que voilà, ils ont su faire les bons choix au début pour avoir une entreprise prospère, Youplagoon, et qui allait pouvoir s'ouvrir vers de plus grandes choses. Mais là où quelqu'un est tombé. Non, c'est ma chaise. Qui est mort ? Qui est mort ? Là où Ubi donc, a commencé à vraiment faire parler d'eux, c'est lorsqu'ils ont commencé à créer des personnages qui ont fonctionné. Voilà, et oui. Il faut déjà faire un saut 9 ans plus tard à la création de l'entreprise pour trouver une première licence qui, moi, personnellement, est le premier jeu que je me souviens avoir joué d'Ubisoft, le tout premier, qui est donc Rayman. Ah oui, bah moi aussi. Ouais. Bah, juste avant ça, on peut revenir sur l'année 90. Enfin, oui, il y a encore un petit jeu avant. Est-ce que les plus vieux d'entre nous ont connu Ubisoft, pas par rapport au jeu, mais par rapport à une autre société qui a été créée qui s'appelait Sodipeng ? Ah oui, Sodipeng, oui. Bah, pourquoi Sodipeng ? Bah, Sodipeng, c'est Guillemot qui l'a créé. C'est Guillemot, oui. Hein, ça lui appartient. Et tous ceux qui ont joué à une PC Engine. Bah oui, européenne. C'est le Dove avec Guillemot, parce que c'est lui qui avait modifié les entrées vidéo pour qu'on puisse jouer chez nous. Ah, mais je ne savais pas. D'accord. Okay. Si. Donc, effectivement. Il y a aussi un petit jeu auquel je ne sais pas si Pell, tu y as joué. Vas-y. C'est Manfin sur Amstrad CPC. C'est Gaston, ça. Oui, oui. Tu as déjà joué ? Non, je n'y ai pas joué. Alors, ça va faire 10 ans que je recherche le jeu. Mais c'est Ubisoft, c'est ça ? C'est Ubi. Et actuellement, il y en a un exemplaire en vente sur eBay à 150 balles. Ah oui, d'accord. Donc ça fait un peu mal, tu vois. Là. En plus, c'est une disquette pour le 6128 ou pour l'Amstrad 664, attention, pas le 464. Donc c'est vraiment une disquette. Ouais, ouais. Donc, t'as beaucoup de chances que le jeu soit déglingué. J'y ai joué. C'est bizarre. C'est un mélange de Cluedo et de l'univers Gaston. C'est pas foufou. Voilà. Non, je connaissais. Donc voilà, pardon pour l'interruption, Beyond. Non, non, il y a. Non, mais c'était intéressant parce que je savais pas que Sony Peng, c'était Ubisoft. Tu vois. C'était Ubi. C'était pas Ubi, c'était. C'est pas Ubi, mais c'était. C'était Guillemot. C'était Guillemot. Mmh. Et donc, oui, je disais que donc Rayman, pour moi, oui, le premier jeu qui m'a réellement marqué de l'univers Ubisoft. On était pour moi, donc c'était en 1995, et c'est sur la Saturn que j'ai découvert Rayman personnellement. Ouais, moi j'ai découvert sur la PS1. Ouais, comme Boss dit. Okay. C'était quoi mon premier jeu Ubi? Je sais pas. Rayman, la première fois que je l'ai vu tourner, c'était sur le PlayStation du fils d'un ami à mon père. C'était compliqué. Et je trouvais ça très joli. Mais beau, j'y ai joué que 10 minutes à l'époque. Donc Rayman, on rappelle, c'est la création d'un certain Michel Ancel, qui est non pas son premier jeu, mais le premier jeu qu'il fera connaître auprès du grand public. C'est un jeu au départ qui était prévu donc sur Super Nintendo, dont les premiers prototypes ont été récupérés il n'y a pas extrêmement longtemps. Et on en avait parlé, ouais. Donc, rappeler la petite histoire rapidement, Michel Ancel un jour a mis une photo sur Instagram en disant c'est tout ce qui reste des vieux prototypes Super Nintendo de Rayman qui sont perdus à jamais. Et là, le designer de Rayman lui dit attends, bouge pas, Michel, je crois que j'ai 2-3 trucs dans mes archives personnelles. Et hop, qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Un PCB dessus avec des ROM de l'époque avec du code et ces fameuses versions perdues qui ont été dumpées donc par notre ami Omar. Ouais, de chez Omar Cornu. Voilà, de Omar Cornu, qu'on salue. Il est toujours dans les bons coups. Toujours. Et qui a dumpé les données pour les rendre. Après, voilà, on a un petit personnage, quelques animations, on a un décor, pas d'ennemis, mais on a les prémices de ce qui deviendra Rayman peu de temps après. Et Rayman, rapidement, a été déplacé vers une console à qui on prédisait un grand avenir et sur laquelle ils ont eu raison de parler. L'Atari Jaguar. Ouais, mais ça reste quand même une exclusivité pour la console. Hein. Et un sacré bon jeu pour cette console. Qui malheureusement, voilà. Bon, c'est l'un des 3-4 meilleurs jeux de la console. Facilement. Sur 3-4, c'est pas mal. Voilà. Parmi les versions console, ma préférence va toujours à la version Saturn. Alors, à la 2D. La version PS1 a tendance à avoir des ralentissements bien plus importants que la version Saturn. Il y a même les transitions entre les musiques. Transitions animées qui ne servent à rien, mais que j'aime beaucoup. Ouais, moi, pareil. Ouais. La meilleure façon de jouer à Rayman 1, c'est la version PC. Ouais. Avec en plus un éditeur de niveau et des niveaux faits par les fans. C'est vachement cool. Oui. Vas-y, non, c'est juste. Est-ce qu'on peut dire aussi que s'il a pas de bras et pas de jambes, c'est juste parce que c'était plus facile à programmer. Putain, j'ai cru que c'était un peu de la fainéantise. Eh mais tu vois, ça y jouait en plus, le physique du petit personnage. Hein, quand même. Moi, non, mais c'était bien trouvé. Hein. C'était franchement, honnêtement, moi je voyais le petit Rayman, il évoquait quand même vraiment un Fraggle Rock aussi. Je trouve. Non oui, après, pour ceux, explique ce que c'est les Fraggle Rock, quand même pour les gens qui ne connaîtraient pas. Parce que... Pour les jeunes, par exemple. Rock, c'était une mission de marionnettes de Jim Henson. Pour la jeunesse, créée par Jim Henson, ouais, le papa des Muppets Show. Et ça a été extrêmement populaire dans la deuxième moitié des années 80. Quoi. Et il avait tout à fait ce physique-là, quoi, de tête, de marionnette. Quoi. Et puis, ça faisait dessin animé. C'est vrai que pour l'époque... Oui. Et d'après ce que, en 10 ans, c'est 15 millions d'exemplaires qui ont été vendus. Ah oui, quand même. Voilà. Juste un petit mot pour les gens qui voudraient s'attaquer au premier Rayman aujourd'hui. C'est dur. C'est un jeu qui est toujours très agréable à jouer. Mais par contre, attention, la difficulté, ça pique. Ah oui, ah, ouais, jamais vous avez joué aux derniers Rayman qui sont beaucoup plus simples. Mais il y a du challenge hein, quand même. Hein. Des petits conseils d'amis. N'achetez pas la version Game Boy Advance. Non, le jeu magnifique. Le problème, c'est que, étant donné qu'ils n'ont pas pu adapter la résolution du jeu d'origine à la résolution de la GBA, en fait, on a cet aspect zoomé, comme beaucoup de jeux GBA, et c'est horrible. Déjà, c'est un jeu très dur, mais 3 fois sur 4, tu meurs comme un caca parce que t'as des trucs qui sont hors écran et qui popent devant ta gueule et il faudrait que tu réagisses ouais, en deux frames. T'as raison, mais c'est comme ça qu'on a pas mal de jeux, mais pour les Yoshi, pour les Mario aussi. Ouais, c'est horrible. Ouais, c'est vrai, effectivement. Donc oui, il est assez dur. Il faut s'armer de patience. Après, donc, sur le coup, ben, Ubisoft était lancé, ils se sont dit qu'ils pouvaient faire de belles choses. Je vais rapidement passer donc, sur certains titres moi, qui ont marqué pour moi l'histoire d'Ubi. Je parle de Pod sur Windows, ah, c'est cool, ça, ouais. Planet of Death, voilà, qui est un jeu qui a connu un joli petit succès, au-delà du succès de Steam, sympathique. Voilà. Ouais. Et après, il va falloir... ils vont éditer F1 Racing Simulation, puis Racing Simulation Grand Prix sur Nintendo 64, qui sont des jeux de Formule 1 d'une qualité... on parle des jeux qu'ils ont édités ? Non, pardon, développés. Ah, parce que sinon, alors là... Vous... non, qu'ils ont développé. C'est... Mais on va arriver... Donc, Pac-Pac-Ball, pardon. Parce que c'est vrai que si on doit parler des jeux édités, il y a aussi Street Racer qui était vachement sympa. Voilà. Mais donc, pour les fois, on voulait rester sur les jeux développés, parce que sinon, c'est vrai qu'on va, on va y passer 50 ans. Déjà, on va y passer 50 ans. C'est-à-dire que on parle toujours de la période Nintendo 64 comme le passage réussi de la 2D vers la 3D de Mario ou de Zelda. Mais il y a, parmi les héros, il y en a un qu'on a tendance à toujours oublier, qui a réussi totalement son passage du 2D vers la 3D, c'est Rayman. Ah, Rayman 2 ? Mon premier Parce jeu que PC. Rayman 2, The Great cool. Escape, est un excellent jeu. Mon premier jeu PC, et oui. Là, je suis d'accord, oui. C'est vrai. Exactement. Là où Sonic s'est foiré. Hein. Foiré à moitié. Et Sonic il est sorti sur Nintendo 64, et j'ai très hâte de le faire dans 64 Ever. Voilà, il fallait que je la... fallait que je fasse ça. Petit mal. Hein. Rayman 2, The Great Escape, il n'y a pas de mauvaise version. La version Dreamcast est quand même aussi un petit cran au-dessus. PC, je te dis. En termes de fluidité et de netteté. PC, ouais. Je te dis. Bon, par contre, alors vas-y, Mérovingien, balance-nous ta petite anecdote. Parce que je sens c'est quand même dingue hein, de se dire que les Rayman ont toujours été des jeux excellents. Mais on n'y pense pas toujours. Et juste, en passant, Rayman 2 a connu une espèce de remake, entre guillemets, si on peut dire, avec Rayman Revolution sur PS2, qui garde le tronc principal et la jouabilité du jeu, mais qui change pas mal de niveaux et pas mal de choses. J'avais pas fait celui-là, par contre. Voilà, ça vaut peut-être le coup. Je préfère la version originale. Bon, c'est pas mauvais. Et l'autre petit oublié qui est surtout une des premières créations du studio Ubisoft Montréal, c'est Tonic Trouble. Tonic Trouble, ouais, j'allais dire. Tonic Trouble, c'est N64. Et qui donne toujours l'impression d'être un espèce de brouillon de Rayman 2. Genre, on a testé des trucs, oui. Mais ça se voit que ça doit être le même graphiste. Hein. On reconnaît la patte, hein, Rayman, je trouve, dans les designs. Je pense. Ouais, Tonic Trouble, je trouve qu'on reconnaît le côté Rayman quand même. Pour moi, ça a l'air d'être deux équipes différentes, mais pour moi, ça me paraît évident qu'il y a des trucs qui ont été testés dans Tonic Trouble pour justement ne pas faire certaines erreurs avec Rayman 2 de passage à la 3D, parce que Tonic Trouble, il est sympa, mais il y a plein de petites choses qui, bon, voilà, c'est pas fou quoi. Tonic Trouble fait partie de ces jeux Nintendo 64 plateformes en 3D qui sont pas déments, pas nuls non plus, un peu comme Earthworm Jim 3D quoi, voilà. J'en parle tout le temps dessus. Hein. J'ai jamais joué celui-là d'ailleurs. Bah de toute façon le designer de Tonic Trouble c'est Michel Ancel. D'accord, c'est lui qui a designé aussi. C'est écrit sur Wikipédia, c'est Michel Ancel le designer. Donc voilà. Et après, bon, il y a eu aussi parmi les jeux qu'Ubisoft a déjà édité, juste une petite parenthèse, Armored Core 2 de From Software, c'est eux qui l'ont édité. Oui. Donc voilà, ils ont sans doute fait. Parce que voilà. je trollais un petit peu en disant que si on citait tous les jeux qu'ils ont édités, on n'est pas se coucher, mais parce qu'ils ont fait un gros boulot d'édition. dans les années, on va dire, PlayStation. Même avant, hein. On leur doit grandir déjà, hein, pour ça, moi je suis content. Moi aussi. Mais voilà, c'est un grand éditeur aussi, Ubisoft, mais entendons-nous peut-être des jeux qu'ils ont développés. Ouais. Un petit mot rapidement sur Donald Quack Attack, qui est un jeu à licence, mais qui n'est pas nul. Voilà. Ah oui, non, c'était... Ah, c'est vraiment... ah, oui, il était apprécié, Quack Attack. Je te le disais, de toute façon, il était sorti sur 64 et Dreamcast, je crois. J'ai fait sur Dream, je crois. Et mes parents aimaient jouer sur 64, celui-là. Et après, il y a eu, parmi les jeux Ubi un petit peu oubliés, c'est pas Ubi qui l'a fait directement, c'est un studio qui s'appelle Inotero, mais qui bossait pour Ubisoft. Il y a Evil Twin sur Dreamcast et PS2, surtout la version PS2 est meilleure, qui fait partie de ces jeux que tout le monde a oublié, mais ça n'a pas empêché la version Dreamcast d'exploser en tarif sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. C'est un jeu qui valait rien et qui aujourd'hui vaut une centaine d'euros. Je n'arrive toujours pas à comprendre. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, si quelqu'un a compris ce qui s'est passé. Non. Et on va directement aller donc pour parce qu'il reste tout. Ouais, voilà, c'est déjà presque 23h. Mais on va aller directement vers le premier gros coup. Outre Rayman qui a quand même aidé beaucoup Ubisoft. Le premier gros coup qui a fait exploser Ubisoft à l'international, on le retrouve en 2002 avec le fameux Tom Clancy's Splinter Cell. Ouais. Ah oui, bah oui. Qui était une alternative réaliste à Metal Gear. Voilà. Donc après avoir récupéré toutes les licences Tom Clancy de l'univers et édité tous les jeux Tom Clancy, ils ont décidé de créer un personnage dans l'univers de Splinter Cell. Et ça, c'était un carton monumental. Je pense que là, on est d'accord. Et oui, même moi, je l'ai acheté alors que les jeux d'infiltration... C'est un excellent jeu. De toute façon, les trois jeux, la trilogie, Splinter Cell, Pandora Tomorrow, Chaos Theory, sont des tueries. Mais ça avait l'air... En fait, quand ils te décrivaient le jeu et que tu voyais les tests, ça avait l'air d'être tellement le futur, le jeu, quoi. Enfin, je sais pas comment... Oui, c'est vrai. Je sais pas comment dire. Tu disais, ouais, tu peux faire ça, enfin, les mouvements. Je me souviens toujours, là, le grand écart entre les deux murs, là. Enfin... Tout le monde s'en souvient. Oh la vache, c'est trop bien. Et puis c'était beau, quoi. La vision thermique pour voir les traces de doigts sur les digicodes, pour savoir quels étaient les boutons sur lesquels monsieur avait pu... Enfin, ce genre de truc, tu te disais, putain, mais waouh. Et juste un petit mot du pirate. Le premier Splinter Cell sur Xbox servait et sert toujours à soft pirater. Ah, c'est pas mal. Grâce à une sauvegarde corrompue qui fait exécuter du code non souhaité sur la console. Voilà. C'est tout. Et puis juste pour dire que Splinter Cell, on peut dire que Amon Tobin a fait les musiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mon Tobin, c'est un célèbre DJ et musicien qui a fait une OST phénoménale. Si vous ne connaissez pas, tapez à Mon Tobin et allez écouter. Alors, j'avoue que je n'ai jamais joué à Splinter Cell. Je vais peut-être me faire huer moi, mais je n'ai jamais joué. Moi, j'y jouais, j'avais aimé, je me souviens. Par contre, c'est le seul que j'ai fait. Mais j'ai jamais joué à Splinter Cell. Et c'est pour le 3, hein, c'est pour le Chaos Theory où Amon Tobin fait la musique. Et sur le coup, on va enchaîner l'année suivante avec un autre très gros coup à l'international d'Ubisoft, qui est le fameux Prince of Persia, les Sables du Temps. Ah oui, pareil, hein, ouais. Reboot complet de Prince of Persia dans un environnement 3D. Alors, c'est pas le premier Prince of Persia en 3D, mais on va dire que c'est le premier, hein, parce que c'était pas bien avant. Attends, il y en a eu d'autres avant ? Chou, tu te souviens de Prince of Persia 3D ? Oh merde. Je crois que ça veut dire oui. Pourquoi tu me parles de ça ? Ouais, tu m'en veux à ce point-là ? Je t'ai fait quoi ? Oui, non, c'était pas bien. D'accord, bon, j'ai rien raté alors. Bah, Prince of Persia 3D, il faut pas. Ce sont rien que la jaquette déjà. Non. Oh là là. Non. Oh là là. Et donc. Ah, mais j'avais pris l'arnaque, donc c'est pour ça. Et donc, sur le coup, Ubisoft donne une relecture littéralement à Prince of Persia. Pour être sûr, le pop 3D, il est sorti sur Dreamcast, mais qu'aux États-Unis, c'est celui-là. C'est ça, ouais. Voilà, ouais. C'était pas bien. Et donc, ils en ont fait un jeu. Bon, alors, les Sables du Temps, à l'époque, moi, je me souviens ce que disaient les gens, le jeu était court et facile. Alors, c'est vrai. Mais, et c'est ça qui est intéressant, ils ont réussi à rester dans l'univers, à créer des mécaniques absolument sans sas, avec notamment le coup du retour en arrière avec les Sables du Temps. Alors, ça, c'était bluffant, mais moi, ce qui m'avait mis la claque, c'était les mouvements du personnage, quoi. Les wall jump, wall run, tout, enfin, la vache, c'était excellent. C'est un bon héritage du jeu d'origine, au final, parce que c'était déjà, tu sais, sur 2D, c'est en rotoscopie, je crois, le premier. Ah oui, sûrement, ouais, parce que c'était tellement hallucinant. Le premier, c'est en rotoscopie. Mais ouais, ils ont réussi à fluidifier complètement le maniement 3D d'un personnage. Ah ouais, ouais. Ouais. Mais ouais. Et surtout, c'est important parce que sans ce Prince of Persia et Sable du Temps, il n'y aurait pas eu un autre jeu dont on va parler. Non, on n'en parlera pas. Non, on fait que du rétro. On s'arrête à juste après, avant ce jeu-là. Cette même année, deux petits oubliés de chez Ubi quand même, le 13. Le fameux tout DS. Tout en self-shading, oui. Je n'ai pas fait celui-là. C'est un bon petit jeu sur GameCube, il me semble. Voilà, GameCube, PS2, Xbox et Windows. Il est sorti sur tous les supports à l'époque. C'est un jeu qui est sympa, c'est un jeu qui est complètement oublié. Alors que c'est un jeu sous licence, hein, et c'est pas un jeu dégueu du tout. Bah, voilà, ouais, mais bon, après, ça reste du genre même de la BD franco-belge. Donc oui, oui, c'est oui, voilà. Un vendeur. Bah justement, avec le dessinateur est décédé là, le mois dernier. Hein. Oui. Effectivement. William. C'est ça. Et l'autre jeu que Ubisoft sortira cette année et qui ne marquera pas les esprits cette année-là, mais qui le fera plus tard, c'est Beyond Good and Evil. La nouvelle création de Michel Ancel. La presse. Ouais. Voilà, vas-y. Non, je dis la presse l'a encensé et personne ne l'a acheté. Voilà. C'est ça, en résumé. Un million d'exemplaires vendus. À peu près. Alors, alors peut-être que personne n'y a joué alors. Aussi. Bah, un million, c'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Non, mais je pensais même qu'il s'était vendu moins. C'est 32 millions. Ouais. Je pensais qu'il s'était vendu moins, mais personne l'a acheté ce Beyond Good and Evil. Et je pense qu'à l'époque, pourtant, il avait une proposition sympa. Mais alors, tu vois, je me souviens de la sortie du jeu à l'époque, tu vois. Mais vraiment, parce que le jeu m'intéressait. Je trouvais ça plutôt. Personne ne disait que c'était le mauvais jeu, mais j'avais cette impression du jeu qui passait complètement inaperçu. C'est surtout que c'était un melting pot d'à peu près tout, et je pense que les gens, ils n'ont pas compris le jeu. Ouais, voilà, ils se sont dit il y a d'autres choses à côté, voilà. Et puis, par contre, je me souviens que il y avait quand même une critique à propos de ce jeu, c'est que tout le monde le trouvait assez court. Alors, tu vois, il est court, je confirme. Faudra arrêter de manger son micro derrière, s'il vous plaît. C'est qui mange son micro? Je sais pas, mais. Ça fait pouc, pouc. C'est pas moi. Enfin bref. Non. Mais oui, le jeu est court. Voilà, donc le jeu est court. Et du coup, mais voilà, mais le jeu n'avait pas marqué tant que ça à l'époque, j'avais l'impression. Mais personne n'en disait du mal, quoi. Non. Enfin, mais je sais pas, ouais. c'est d'un coup, d'un seul, je sais pas ce qui s'est passé sur Internet. Oui. C'était devenu le meilleur jeu, c'est devenu le meilleur jeu du monde. Ouais, alors que personne n'y a joué. Oui, on appelle ça syndrome Shenmue. Ouais, ou Okami, pareil. Voilà. Et du coup, moi, je l'ai fait récemment et je j'ai pas réussi à me replacer dans le contexte, donc je trouve qu'il est un petit peu vieilli quand même. Ouais. Après, par contre, je comprends tout à fait les fans qui voulaient un 2. Parce qu'il finit sur un gros cliffhanger, le jeu. Oui, et en plus, il y a un assez bon univers. Et l'univers est stylé. Et le Mamago, voilà, l'accent des personnages. L'univers, l'ambiance du titre, elle est dingue, et je pense que c'est sur ce sur quoi ils travaillent aussi beaucoup là sur le 2. Mais oui, mais il y avait un cliffhanger aussi, et d'ailleurs c'est super cruel parce que le 2 est une préquelle. Bah oui. Du coup, on n'aura toujours pas la réponse de ce cliffhanger. Ouais, enfin, une préquelle, c'est pas encore confirmé, hein. Ouais. Apparemment. Ah ouais, bah alors du coup, il y aurait du voyage dans le temps alors. Déjà des plus jeunes, mais ça devrait pas se passer avant. Non mais ouais, il pourrait y avoir un voyage dans le temps. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Ne vous torturez pas, non, il va y avoir un plot twist. Il faut pas, ça marche pas, ça marche jamais. Mais le problème, c'est que voilà, c'est ça, la théorie de moi. Faites pas de voyage dans le temps, vous allez vous planter. C'est la merde. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Et toujours cette année 2003, on a la sortie de Rayman 3, Hoodlum Havoc. Ah, celui-là, par contre, il a bien marché. Qui a bien marché, mais qui, je pense, est le moins apprécié des trois épisodes canoniques. Avec le recul, les gens, enfin, je vois beaucoup de gens qui me disent que leur préféré c'est le 2 ou le 1, mais jamais le 3. Le 3, il a très bonnes idées, de très bonnes idées de gameplay, tout ça. Il a peut-être un peu moins de personnalité que les deux premiers. Je l'ai pas fait, moi. C'est peut-être ça aussi. Moi non plus. J'ai beaucoup aimé Rayman 3 quand il est sorti. Il avait un système de jeu qui était cool. Moi, je l'avais fait sur GameCube à l'époque. Ça avait été un véritable plaisir. Il a eu un remaster plutôt sur Xbox 360, celui-là. Ah bon ? Ouais, il est sorti en démat, que en démat. D'accord. Et tu sais, c'était un peu comme Banjo-Kazooie, quoi. C'est s'ils l'ont pas refait, c'est juste ils ont mis ça lissé tout propre, tout beau. Parce que les versions GameCube et Xbox à l'époque étaient tout à fait agréables à jouer, il n'y avait pas de souci. Et donc, Rayman 3 est un jeu qui a moins marqué les esprits que les deux premiers. Est-ce que c'est à cause de ça, sur le coup, qu'on l'a plus revu après, je veux dire, pendant des années. Est-ce qu'il s'est vendu déjà, ce Rayman 3? C'est une bonne question. Je pense qu'il a dû marcher, mais moins que les deux premiers, je pense. C'est pour ça que, du coup... Puis t'avais aussi une concurrence aussi en face. C'est pour ça qu'il est moins cité. Je crois que c'est à l'époque où tu avais déjà les Jack and Dexter et compagnie. Alors. C'est pas Ubisoft Montpellier qui s'en occupait, c'est plus Michel Ancel qui est aux commandes. Enfin, il y a plein de choses qui changent par rapport aux deux premiers. Mm-hmm. Et en 2003, il y a Trackmania aussi. Hein, mais Trackmania, il est. Non. C'est déjà Ubisoft, ça. Il me semble que oui. Hein. Après, je sais pas s'ils avaient racheté le studio, mais il me semble que c'était aussi eux, à l'époque, déjà. Il me semble que c'est à partir du 2, moi, que c'est Ubisoft. Ouais. Et que le studio, au début... Et donc, peut-être. Je veux dire, donc, sur le coup, dans les années qui ont suivi, en particulier en 2004, ils ont édité le premier Far Cry, qu'on devait à Crytek, mais ils ont surtout récupéré la licence. Et dans les années qui ont suivi, Ubisoft s'est mis à faire ce qu'on va commencer à leur reprocher assez rapidement, à savoir la recette. Capitaliser sur leur création en ressortant sans arrêt les mêmes choses, à savoir du Prince of Persia, qui va connaître 3 épisodes, du Rainbow Six qu'on va revoir, du Splinter Cell, pareil, qui va avoir 3 épisodes, du Far Cry, qui va commencer à avoir du Ernst, du... Ouais, c'est plus les autres. Vengeance, ce genre de choses. Primal. Voilà. Là, Primal, c'est plus loin, ça. C'est le moment où Ubi va se mettre à... Alors, ça ne veut pas dire que les jeux sont de mauvaise qualité. Hein. Les 3 Prince of Persia sont intéressants, par exemple. Les 3 Splinter Cell, tu as dit, sont de très bonne qualité aussi. Ils sont de très très bonne qualité. Mais on va dire qu'après, ils se mettent en pilote automatique, quoi. Voilà, on est dans une phase, de plus vraiment de création ni d'avènement de nouvelles franchises, quoi. Ouais. Et on aura à partir de 2006 Ubi qui se présente comme entre guillemets un partenaire privilégié de Nintendo. Qui leur ont bien rendu. En offrant à la Wii deux de ses deux exclusivités totales, avec surtout Rayman le contre la Rayman. littéralement vous explique comment est-ce qu'on peut utiliser une Wiimote, peut-être encore mieux que Wii Sport, parce que les jeux sont vraiment variés et intéressants. Bon, après, et très drôle, moi j'apprécie la franchise. C'est l'un des rares party games que tu peux ressortir maintenant, plus de 10 ans, quasiment 10 ans après, mais voire plus de 10 ans après, et passé un très bon moment. Ouais, tu pourrais te dire, bon, à la limite, là maintenant, avec un petit voilà, comment dire, bah, quoi que si tu peux y jouer directement sur la Wii U, tu vois, ta télé, et que ce soit bien propre, bah, ça passe, quoi. Ouais. Pas d'embrouille. Alors après, attention à tous les mini-jeux qui sont pas dedans, ils sont pas tous égaux, bien sûr, hein, mais... Ouais, c'est comme pour Mario Party, mais dans voilà. L'ensemble, tu passes un agréable moment, quoi. Exactement. Et donc, surtout, et l'autre exemple, Red Steel, est l'exemple parfait, par contre, de ce qu'il ne faut pas faire avec une Wiimote. C'est ça. Ou alors, je ne sais pas si vous avez joué à Red Steel. Non. Qui a joué à Red Steel? Moi, et j'en garde un très, très, très mauvais souvenir. C'était le combat à l'épée western, là. C'est ça. Oui. D'accord. C'est ça, ouais. Alors, autant le 2, c'était plus sympa avec le Wii Motion Plus, autant le premier... C'est loupé, c'est vraiment loupé. J'y ai joué aussi. Je l'avais acheté d'occasion parce que j'y croyais moyen et j'ai bien fait de ne pas mettre plus de rond dedans. C'était pas bien. C'était pas assez précis. Il y avait la visée, c'était pas possible. Le nombre de fois où on décalait légèrement la Wiimote et où le personnage se mettait à tourner sur lui-même en regardant vers le haut parce que. C'était légèrement en dehors de l'écran. Il y avait plein de choses qui n'allaient pas et qui faisaient que c'était pas une si bonne idée. Tu faisais des 360 noscopes, quoi. C'était cool. Et c'était toujours en 2006, hein. Oui. C'était en 2006, ouais. Ah, dites juste une petite parenthèse, toujours Ubisoft, hein, quand même. C'est qu'en 2006, ils ont édité le RPG préféré de Moa, quand même, aussi. Uncharted Arms. Putain, c'était oui, c'était eux. Et c'était eux qui te l'ont fait, qui t'ont fait jouer à ça. Ah là là là là là. Mais on a dit qu'on parlait pas des jeux édités. Ouais, voilà. Sinon, j'aurais parlé pendant 20 minutes de Bug Bumble, donc. Ça suffit, non, stop. On a rien entendu. Et après, donc, les choses vont se mettre un petit peu plus à bouger en 2007 avec déjà deux grosses récupérations de licences, d'une part avec les Tortues Ninja, TMNT, où donc Ubisoft Montréal réalisera un jeu Tortues Ninja, et l'autre récupération de licences, c'est, je l'avais souligné, elle m'est sortie de la tête. Léa Passion ? Non, je vais y arriver. Alexandra Lederman ? C'est plutôt Alexandra Lederman. Ouais, voilà, c'est en 2000. Vous parasitez, je sais plus où je suis. Ah, la fatigance commence à se faire ressentir. Non, parce que Léa Passion, c'est 2007 aussi. Et l'autre ? Non, mais attendez, oh, je l'avais souligné. Moi, j'ai un World in Conflict en 2007. Ah. Et... Cats and Dogs. Qu'est-ce qu'ils ont fait en 2007 ? Cats and Dogs. Ils ont fait Driver en fou. Driver, c'est 99. Mm-hmm. Et oui, ça y est, je l'ai. Oh là là, non, mais il était là. Naruto Rise of the Ninja sur 360. Putain, voilà. Non, mais ça y est, non, mais je viens de le lire et ça m'est sorti direct de la tête tellement j'adore Naruto. Ils ont récupéré quand même la licence Naruto. C'était un bon jeu en plus. Alors, le jeu était pas mal, mais il était en concurrence directe avec le premier Ultimate Ninja de la PS3. Voilà. Et ça... C'est vrai que j'avais oublié Naruto. Voilà, ouais. Et en fait, voilà. Et moi, on m'avait offert celui sur 360. Et il était pas mal. D'accord. Franchement, il était bon. Oui, oui. Ouais, ouais. Bah, c'était pas un jeu super technique, mais effectivement, par contre, c'était super. C'est qu'il s'arrêtait assez tôt dans le manga. Ouais, ouais, voilà. Mais c'est pour ça qu'ils en ont fait 12 après. Mais je me rappelle qu'il avait souffert de là, du jeu, de la comparaison du jeu d'en face. Avec les animations de, tu sais, des Ultimates, c'était fou à l'époque quand on voyait ça. Ah bah ouais, les Ultimates, je les ai pas fait. C'est pour ça que je les avais rachetés d'ailleurs. Ils ont sorti une trilogie, là, ou même quadrilogie peut-être. Ouais, ouais. Sur One et PS4, là, je les ai rachetés pour les faire parce que ça me tente bien. J'aime bien Naruto. Voilà. Enfin. Et surtout 2007 voit la création de. Donc c'est la fin de ce podcast. Moi, je comprends pas. Ce qui deviendra une nouvelle licence AAA phare pour Ubisoft, où ils ont tout fait pour déjà mettre les moyens de le faire correctement et puis de l'imposer. Donc la série Assassin's Creed, qui est le fils caché à peine illégitime évidemment de Prince of Persia. Qui reprend grosso modo et le système de maniement, la grimpette, la fluidité des mouvements, mais aussi les combats des derniers Prince of Persia, faut qu'il reprend un peu tout ce qui était Prince of Persia et l'applique à un monde ouvert avec une structure très verticale, ce qui à l'époque est quand même assez... Moi personnellement, lorsque je jouais au premier Assassin's Creed, je me suis dit waouh, c'est ça que je rêvais quand j'étais petit, ce que les jeux pourraient devenir. Avec cette liberté de nos mouvements, la verticalité des niveaux et les possibilités multiples, parce que malgré tout, dans le premier, on avait encore toujours la possibilité d'être soit discret, soit de jouer comme un gros bourrinou. Hein. Ou alors de se faire jeter des pierres dessus par les passants et les habitants. Les passants honnêtes. C'est ça. Et donc, je pense que je ne peux plus cacher au monde entier mon amour pour la série Assassin's Creed. Mais par contre, je vais en particulier insister sur ce premier épisode, qui est vraiment, avec le recul, qui n'est pas aimé par personne. Il était bien, moi j'ai bien. En fait, moi j'y ai pas joué. Il était très répétitif. Le premier Assassin's Creed. Ouais, mais bon, par contre, c'est pas son problème. Après, ça reste quand même un jeu. Le premier était. Alors déjà, le premier a commencé donc à faire rire les joueurs de par ses bugs et ses petits soucis et ces petites choses qui arrivaient des fois un peu farfelues, qui deviendront un petit peu une des marques de fabrique de la série. Oui. Le premier, comme tu l'as dit, était répétitif avec malgré tout des missions assez peu variées. C'est ça. Et un système de combat qui marchait quand il en avait envie, de soi aussi. Par contre, le premier Assassin's Creed avait un vrai héros intéressant. Altaïr. Altaïr, oui. Contrairement à Ezio. Arrête, j'adore Ezio. Et surtout, le jeu se focalisait, avait à la fois une trame scénaristique principale dans le passé avec Altaïr intéressante, avec notamment... son maître et la relation qu'il a avec son maître et une vraie montée en puissance du héros qui est vraiment faible et très au début du jeu Altaïr il vaut rien, il est inoffensif, il se fait avoir très facilement et à la fin du jeu il est complètement pété. C'est une des sensations moi que j'aurais plus après dans les autres Assassin's Creed, pas à ce point là voilà. Et l'autre, sinon, tu peux jouer à Metroid. L'autre chose qui était bien dans le premier Assassin's Creed, c'est qu'il y avait une méta-histoire dans le présent qui ressemblait encore à quelque chose qui vous donnait envie d'en savoir plus et qui était pas mal foutu. Ouais, moi je trouvais ça déjà à l'époque pas terrible. Et ça fait partie des choses qui vont perdre au fur et à mesure, à savoir l'intérêt pour cette histoire dans le présent au point de la balayer d'un revers de la mer à partir du quatrième épisode. Bah, c'est surtout qu'ils avaient déjà tué leur histoire, leur méta-histoire. À la fin du 2-3 quarts, déjà, ils avaient tout explosé. Donc... C'est... Après, je fais partie de ces gens, évidemment, qui ne jouent pas au jeu pour l'histoire, donc moi, ça me change pas grand-chose. Bah, faut pas jouer aux assassins pour l'histoire, faut être honnête. Hein. Je suis quelqu'un qui joue au RPG et qui aime ça, l'histoire. Il faut jouer aux assassins aussi pour la reproduction historique et l'idée d'intégrer à chaque fois des personnages historiques à une trame scénaristique qui est sympa, mais il ne faut pas commencer à faire des théories sur la comète, sur la méta-histoire. Enfin voilà, on n'est pas dans Matrix, on va se calmer. Quoi. On peut parler de la méta-histoire du Black Flag hein, dans les bureaux. Voilà. Voilà, ils ont atteint un point là. C'était pas bien. Et donc oui, tout ça pour dire qu'avec Assassin's Creed, bon, un petit peu avant, à partir de 2006, on rentre vraiment dans l'ère moderne entre guillemets d'Ubisoft où, lorsque vous regardez le nombre de jeux édités par an, les choses se mettent à être réellement vertigineuses. C'est-à-dire que là, Ubisoft passe vraiment à la vitesse supérieure dans la création de jeux et surtout dans l'édition entre guillemets rentable, parce que Ubisoft a édité quand même des jeux que vous adorez tous, comme les Alexandra Lederman, comme les gros Passion. Jeux, hein. La Passion, je crois que c'est plus de 20 millions de ventes. Oui, c'est un truc de fou. Et c'est... y compris, ils sont à l'origine au niveau de développement de mon coach personnel. Alors, ça fait sourire, mais en attendant... Ça se vend. Voilà, c'est rentable. Oui. Les Dogs et Cats aussi, là, c'est eux, ça a dû marcher. Oui, Dogs et Cats aussi. Et Cats. Ça, plus le fait de bourrer des jeux Lapin Crétaire maintenant quasi sur tous c'est les ça. Ans, ouais. Ubisoft est vraiment. Enfin, voilà, c'est là qu'on voit le gros coup d'accélérateur de la société où, qui devient réellement tentaculaire, où on commence à voir ce sont des studios apparaître partout. On n'y a plus seulement Montpellier et Montréal, on commence à voir Bucarest, on commence à voir Shanghai, on commence à. Avoir des studios Ubisoft qui poussent de partout et une entreprise qui est réellement mondialement tentaculaire. Donc on est bien loin des débuts bretons. Effectivement. Bon, après, non, mais on pourra toujours dire qu'ils ont appliqué la recette d'Assassin's Creed à trois quarts de leur jeu dans les années qui ont suivi, mais... Voilà. Ouais, mais n'empêche, malheureusement, ils t'ont proposé un simulateur de pigeon VR. Un truc de ce type là qui sort d'une part. Qui marche, ils se reposent sur leurs acquis, mais de temps en temps, ils tentent des trucs comme ça. Hop. Et juste puis quand ça marche, bah après, tu les retrouves dans tous leurs jeux d'après. Oui, Steve, malheureusement. Ouais, mais voilà, ils tentent quand même toujours des trucs, Ubisoft, je trouve. Hein, quand même. Steve fait écho à un jeu qui c'est dans les. Indépendant, moi j'aime beaucoup aussi là dans les derniers, c'est tout ce qui était leur création en interne. On n'y est peut-être pas encore. Je disais juste que Steve fait écho à un jeu Ubisoft qui s'appelait Les Rois de la Glisse, qui était déjà un jeu de glisse à l'époque. Et, ah ouais, mais ça dit quelque chose. Ouais, mais c'était une licence, c'était parce que c'est un dessin animé, ouais. Ça aussi. Oui, mais ça reste leur jeu à eux, et c'est marrant comme on a l'impression d'en voir toujours les mêmes choses qui reviennent de temps en temps, en disant peut-être qu'ils n'ont jamais abandonné l'idée de faire un vrai jeu. Et juste, je voulais parler donc de l'autre moment, hop, donc c'était en 2009, c'est ça ? Oui, 2009, c'est ça. La même année qu'Assassin's Creed 2, donc qui corrigera pas mal de défauts du premier, qui amènera un héros adulé par... plein de personnes fans de la série. Ouais. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, j'aime beaucoup, moi, le fait d'enlever des parties du jeu pour en faire deux autres jeux. Et par contre, l'année 2009 est surtout encore un autre tournant pour Ubisoft qui va les faire devenir encore plus énormes qu'ils ne sont avec la sortie du premier Just Dance sur la Wii. Et ça, alors pour nous, gamers, entre guillemets, ça fait sourire, mais en vrai... Just Dance aujourd'hui, c'est le genre de jeu qui fait justement qu'on a Steep. Bah, t'as dit 2008, Million ? 2009. Just Dance. Voilà, faut savoir, on est en 2018, ils en ont sorti un par an et ça se vend toujours autant, quoi. Et ça se vend toujours sur Wii et sur Wii. Et toujours sur Wii, Wii U. Donc voilà. Et oui, comme tu dis, Million, s'il n'y avait pas ce genre d'usine Afrique, ils ne pourraient pas financer leurs projets qui sont un peu moins rentables, quoi. Et on a l'impression que ça, parce que autant on a parfois l'impression qu'une entreprise comme Electronic Arts se contente de se consacrer uniquement aux jeux rentables, autant Ubi, bah, ils ont des projets comme Steep qu'ils osent mettre en avant et sortir et mettre une grosse équipe dessus, même si le jeu au final n'aura pas marché aussi bien que ce qu'il entendait, je pense que ça c'est clair. Mmh. Ou encore sortir travailler à un moteur, c'est l'Ubi Framework qui s'appelle, a été utilisé donc pour les deux Rayman en 2D et pour le fabuleux Child of Light. C'est ça dont je voulais parler tout à l'heure. Voilà. Ouais, j'ai adoré. Oui. Fameux petit joueur des. Comme tu dis, j'ai vraiment adoré le jeu. Bah, après, je sais pas si c'est le moment d'en parler dans les détails. C'est vraiment la DA que j'ai trouvé formidable. Le côté dessin à l'aquarelle, ça a évoqué tous les j'aime lire que je lisais gamin. J'adore le jeu. Là, c'est le même moteur graphique que les Rayman, Legends et Origins. Oui. Et que le. C'est le Ubi Frameworks. Ouais, c'est ça. Et que le mince, celui qui se passait dans la guerre des tranchées, là. Soldat de la Première Guerre mondiale, je crois qu'il s'appelait. Oui. C'était pas comment il s'appelait ce jeu. Non, mais c'est ça, je crois. C'est un, c'est un titre. C'est Soldat inconnu. Soldat inconnu, voilà. C'est un titre super sobre. Ouais. Ah bah, tu vois, c'est que je l'ai pas fait. Là. Ah, je les trouve vraiment bien, quoi. Oh, c'est chouette. Tout ça, voilà, c'est... Soldat inconnu, mémoire dans la Grande Guerre, voilà. Le titre en entier. C'est devenu un petit peu le gimmick, entre guillemets, de... d'Ubisoft, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont destinés au plus grand nombre, qui permettent de financer des trucs un peu plus petit public. Je pense notamment à, je vois de la part d'une équipe que je ne sais même plus, Chengdu. Alors Chengdu, c'est où Chengdu? Chengdu. Est-ce que quelqu'un peut me dire où c'est? C'est en Chine, voilà. Chine. Bravo. Ouais. Donc en 2007, Ubisoft Chengdu, basé en Chine, a sorti Scott Pilgrim vs. The World, le jeu. Ah, c'était le sens. PS3 ah, oui. et 360. Et... Ah, c'était intéressant. En plus, c'était... C'est un bon petit jeu. Mais ah, c'était pas dégueu, ouais. C'était Robertson, je crois, qui faisait le génie. Le roi du pixel. Pixel là. Le roi du pixel. Ouais. Ah, il était fantastique. Voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment ça. Et donc, BuzzDick, t'en parlais tout à l'heure, et c'est à partir de Trackmania 2 qu'Ubisoft va éditer Trackmania aussi. Ouais, il me semble bien que c'était Nadeo sur le premier, et Nadeo tout seul. Hein. Mm-hmm. Ok, je crois que c'est bien. Et après, ils vont dérouler. Alors, ils vont faire... je ne sais pas si c'est très utile après de rentrer dans les années. Ouais, je pense qu'on y est quasiment, voilà, ouais, voilà, où on va avoir des hauts et des bas. La série Assassin's Creed va partir sur le principe à partir du 2 où on dit allez, on en sort un par an, va connaître de gros déboires en termes de qualité à partir du 3 où le 3 et le Unity vont être montrés du doigt pour à juste titre pour le coup, voilà, pour des jeux gâchés par une technique complètement défaillante et des bugs juste infâmes. En même temps, Ubi va continuer un partenariat privilégié avec Nintendo avec Zombie U sur la Wii U. Putain. Oui. Bon, c'était au départ un jeu exclusif. Hein. Ouais, et puis Rayman Legends aussi, hein, à la base. Et Rayman Legends, au départ, qui était vraiment prévu pour être un jeu Wii U. Ah ouais, ça a été pénible pour... Et Rayman. Qui est redevenu un jeu Switch. Oui. Voilà, in fine. Et malgré tout, Ubisoft qui continue à avoir un partenariat privilégié avec Nintendo, parce que Nintendo leur a quand même offert Mario. Je veux dire, Et Donkey Kong. Et donc voilà. Et là, Donkey Kong. Donc. Et Star Fox. Oui. Bah oui. Voilà. Et oui. Et après, voilà, on aura ensuite la création quelques temps plus tard de Watch Dogs, qui, malgré ses similitudes avec des jeux comme Assassin's Creed, va tenter une nouvelle IP dans un monde un peu plus différent, futuriste, plus technologique. Qui jouer... malgré tout, voilà. Oui, vas-y. Faut jouer aux deux. C'est juste que le premier est dispensable, jouer aux deux. Moi, j'ai bien aimé le premier. J'ai bien aimé l'histoire du premier qui était plus prenante avec un personnage qui avait une vraie histoire en plus. Le deux est plus léger dans le ton. Donc juste pour dire, un monsieur qui nous dit qu'il aime pas l'histoire dans le jeu vidéo nous dit que le premier il l'aime pour l'histoire. Voilà. Tirez raison les conclusions que vous voulez. Hein. Bah, il faut clipper vite. Non, mais je veux dire, voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans le premier, ça assoit mieux le personnage que dans le deux. Le problème, c'est qu'il peut se passer n'importe quoi, t'en as rien à foutre des personnages. Soyons honnêtes. Oui, mais c'est compréhensible. Je crois que je me souviens même pas comment s'appelle le personnage qu'on manie dans le deux. Je crois que je m'en souviens plus. Moi non plus, mais ça, c'est ma mémoire. Mais après, dans le deux, c'est compréhensible parce que ce sont des enfants. Ça reste des gamins, quoi. Donc, tu comprends mieux. Quand tu t'abordes comme ça, tu comprends. Ça reste des enfants. C'est vrai qu'ils ont fait Rocksmith. Comme des enfants. C'est vrai qu'ils ont tenté le jeu de rythme, mais pas de rythme. Rocksmith, c'était bien. Ouais, Rocksmith en mode apprentissage de guitare, qui paraît que c'était un très bon complément. C'est vachement cool. C'est vachement dur. J'ai jamais eu l'occasion de tester. Et parmi les gros coups de ces dernières années, Ubisoft va également enfin nous sortir de bons jeux South Park. Oui. Un bon et un moyen. Un bon et... Oh, ça va, c'est quand même deux bons jeux par rapport à ce qu'on a eu avant. Ouais, voilà, quoi. Comparé à... Comparé on peut parler du jeu de course sur N64, non? Non, on n'en parlera pas dessus. Le FPS aussi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, voilà, ils ont récupéré la licence et avec Stick of Truth et... Fracture Moi, c'est, Ritual, même pas, c'est même pas eux, en fait, les devs de ça, non? C'est pas Obsidian, non? Non, c'est Ubisoft San Francisco pour le nouveau. C'est Obsidian le deuxième, il me semble. Hein. Je crois, hein. Il me semble. Je suis en train de vérifier ça. Il me semble qu'il y avait du Obsidian, oui, moi aussi. Ouais, dans le deuxième. L'anal du destin, c'est Ubisoft San Francisco. Ouais, mais alors le premier, c'est Obsidian. Alors peut-être qu'ils ont été mangés. Peut-être qu'ils ont été mangés entre temps. Le 1, je sais pas. Ah oui, peut-être aussi. Le premier, Obsidian, le premier. C'est Obsidian. C'est Obsidian, ouais. Mais c'est édité par Ubi, effectivement. Ah oui, ça oui. Bah, ouais. De fait, donc ils ont encore récupéré une autre licence, quoi. Et je pense que voilà, outre ce qui s'est passé médiatiquement avec Bolloré, la tentative de prise de contrôle. Ou de pas, la on ne saura jamais. Supposé hein. Ou pas, parce qu'au final, voilà, il faut toujours se demander à qui profite le crime. Oui, et... voilà. Non, mais c'est ça. Voilà. Et je crois que c'est clair, il profite à mi-30. On est en train de faire Philippe et Serge dans les guignols, quoi. C'est sérieux. C'est une bonne poire. Poire et cahouette, ouais. Voilà. Non, bref, tout ça pour dire que moi, enfin, Ubi, c'est une société... Bon, j'en parlais récemment, je trouve que la France, c'est pas un pays très chauvin avec ses propres créateurs. On a l'impression que les Japonais sont très renfermés sur eux-mêmes au point que tout ce qui est hors du Japon n'existe pas. Les Américains, quand on leur parle, ils ont tous des machines, des Xbox, et ils continuent de dire que Microsoft fait des trucs excellents. Et en France, ben, on a Ubisoft, et tous les ans, les gens crachent sur Assassin's Creed parce que c'est de la merde. Alors, ouais, non, parce que Assassin's Creed, ça fait pas tellement jeu français non plus. Ubisoft, ça fait longtemps que ça fait plus très français. C'est vrai, quand on regarde 90% de ce qui sort... Avec l'ouverture à la bourse, les différents studios... Ce que je veux dire, c'est que l'exécutif reste quand même en France, et ça reste toujours les mêmes personnes à la tête de la société. Et les décisionnaires sont quand même ici, quoi, encore. Ouais, mais ça rentre pas en compte. Regarde quand même les jeux sortis en 2018. Le seul jeu qui a encore un sous-titre en français, c'est South Park, l'anal du destin. Tous les autres, c'est les titres à consonance anglophone. Il y a le sous-titre, mais il n'y a pas les doublages. Ouais, voilà, merci. Allez, celle-là, bim, c'est fait. Boom. Enfin, voilà. Mais quelque part, quand tu vois les doublages calamiteux de la saison 18, 19 et 20, je préfère les doublages en VO. Voilà. Mais je pense que voilà, Ubi a encore de belles choses devant. On a tous un petit peu peur pour Beyond Good and Evil 2 parce qu'en vrai, ils ont un peu rien montré du jeu. Et le problème, c'est que ce qu'ils ont montré en termes de... ça dépasse l'entendement, ce qu'ils veulent faire. On a l'impression qu'ils sont en train de partir très, très, très loin. T'as l'impression... Bah, en fait, tu veux dire dans le sens où c'est trop ambitieux pour eux? Bah ouais, non, mais attends, ouais. Si tu les écoutes, oui. Ils font Breath of the Wild, mais dans l'univers de Star Citizen, si tu veux. Et sans oublier Albator. Oula. Non, mais je veux dire, c'est des changements climatiques, des trucs, une cohérence du monde façon Breath of the Wild, mais dans un univers style gigantesque avec plein de planètes et tout. Machin. En même temps, Ikoba nous dit à juste titre que ça sortira sur prochaine console. Moi, je vous dis, BGE2 restera à l'état de film. Par contre, moi, tu viens de parler de Star Citizen. Il existe le jeu vraiment ou... Alors non. Mais Mérovingien, je signe tout de suite pour un Assassin's Creed Pirates Caraïbes. Mais il existe autant que Beyond Good and Evil 2, en fait, j'ai l'impression, tu vois. D'accord, ok. BGE 2 existe. BGE 2, il est en cours, oui, vraiment. Oui. Mais par contre, la vérité, c'est que BGE 2 montrait... Teasé il y a 2 ans, c'était trop tôt. Et teasé l'année dernière, c'était aussi trop tôt. Mais non, mais moi, je vous dis que chaque Japon sortira un nouvel album avant que BGE 2 sorte. J'ai l'impression que même cette année, c'était encore trop tôt. D'ailleurs, l'héroïne, enfin, ce qui semble être l'héroïne, ressemble totalement à la chanteuse de chaque Japon. C'est pour ça que tu dis ça. Oui, mais bah, le singe aussi, c'est le singe de chaque Japon. Et le singe aussi. C'est fait exprès, en fait. Oui, c'est ça. C'est fait totalement exprès. Pour le coup, ouais. C'est assumé, c'est chaque Japon. D'accord. Voilà, c'est un jeu qui, j'espère que Michel Ancel va pas se faire bouffer par son ambition. Michel Ancel aussi, soit dit en passant, qui est sur un autre jeu en ce c'est moment, Wild, qui s'appelle Wild, mais pour ça le compte des, de Sony, ça fait des années ça. Ça n'est pas Ubisoft qui développe le jeu, c'est Sony. On comprend pas où il est passé lui non plus parce qu'il a disparu des radars. Ça fait quoi, 4-5 ans que c'est déjà en état de projet? Oui. Et ça fait 2 ans qu'il a disparu. Oh, moi, je me souviens, il y a 2 ans, Michel Ancel qui montrait le jeu en expliquant comment on allait pouvoir jouer, tout ça. L'année dernière, absent. Cette année, absent. Ah, bon, d'accord. Mais en même temps, ça ne les a pas empêchés de mettre autant de temps que ça pour faire Dreams, donc... Ouais, mais bon, si c'est comme Nomura qui est sur 250 projets en même temps, tu comprends. Oui, apparemment, Nomura, on le met sur 250 projets, mais on ne lui montre pas son avis en plus, donc... Oui. Bon, et sur le coup, c'est le moment donc où Petite Belle va nous parler d'un jeu. À Galgun. Au revoir. Au revoir, bonne nuit. C'est le... Au revoir. Non, mais on peut dire, enfin, je... Juste pour conclure, enfin, tu vois... Oui. Tout le monde a joué à un jeu avec écrit Ubisoft quelque part. Oui. Ah oui, non, mais c'est impossible. Si tu aimes le jeu vidéo, c'est impossible que tu n'aies pas joué à quelque chose de produit ou édité pas. Bah oui. Et là, je vais. On peut dire ce qu'on veut de leur maintenant politique actuelle, hein, de vraiment réutiliser les mêmes mécaniques au sein de leurs différents jeux et tout, mais je pense pas qu'on puisse dire. Par exemple, Assassin's Creed a beaucoup de détracteurs, mais on peut pas dire que c'est des mauvais jeux, c'est pas possible. Parce que ceux qui disent ça, ils ont jamais joué à des mauvais jeux. Ouais, non, c'est pas des mauvais jeux. Le 3, on peut dire que c'est un mauvais jeu. D'accord. Alors que j'aime j'aime la série vraiment. Le 3, ils ont merdé. Le 3, ils ont vraiment. Mais voilà, globalement, Ubisoft, ils font pas des mauvais jeux. Non, c'est jamais des boosts. Enfin, c'est pas des boosts comme on pouvait les. Avoir connu. Bah ouais, voilà. Non, ça n'existe plus ces bouses-là. C'est les vrais bouses, hein. C'est les trucs, c'est genre injouable. C'est fini. Ça n'existe plus, ça, en fait. Si, ça existe. Ah bon Ninja Gaiden Yaiba Z. Ninja Gaiden quoi Yaiba Z. Celui-là. Voilà. Oui, oui. Si, je te garantis qu'on peut encore faire des mauvais jeux. Ninja Gaiden Yaiba, oui. En mode zombie, là, c'est ça. Ouais, c'était pas bien, ouais, c'était un staff. C'est un vrai jeu, c'est sorti officiellement et tout. Ah oui, bien sûr, je l'ai. Hein. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Mais apparemment, Agony aussi, dans le genre pas mal merdique, qui se pose là. Oui, c'est vrai, Agony n'est pas très bien non plus. Voilà, donc, si Pelopon encore fait des mauvais jeux. Après, Ubi reste quand même. Ils en ont fait des mauvais jeux, mais. Mais dans l'ensemble. Ah oui, ils ont fait des jeux, moi, que je mets vraiment. Mais le Child of Light, hein, franchement, je le mets dans mes jeux préférés. Vraiment, moi, ça m'avait marqué. Adoré, quoi. Agony, vous parlez de quoi le jeu sur Amiga? Non. Non, un jeu d'horreur qui a été fait. Okay, vous m'avez fait très peur parce que c'est quand même Art and Magic qui est à l'origine du jeu. Non, c'est Agony, un jeu qui vient de sortir et qui n'est pas fini. C'était pour le coup un bon petit jeu, c'était pas la folie Agony. Oui, non, mais c'est, t'inquiète pas, c'est pas celui-là. C'est ok, j'ai eu très peur, j'ai eu de quoi être. Et puis Beyond, tu disais que c'était le même moteur pour Rayman Legends, mais même celui-là, il est absolument fantastique. Hein. Il ressort assez régulièrement. C'est là aussi Ubisoft, on voit comment ils sont malins, parce qu'arriver à sortir le même jeu sur 45 consoles en même temps. Oh, il est vraiment fantastique. Ah, il est fantastique, je suis d'accord. Rayman Legends, pour moi, est bien plus travaillé que ne l'était Origins, qui n'était pas aussi bon. Je ne l'ai pas autant aimé. Legends. Les niveaux musicaux, les mecs. Ah, mais tout. Ah, ouais, il est fantastique. C'est un jeu que j'ai refait sur chaque machine. Je l'ai joué sur PC, j'y ai joué sur PS3, j'y ai joué sur Vita, j'y ai joué sur PS4. Et je l'ai découvert très tard. C'est rare, hein. Mais oh là là, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, comment j'ai pu passer à côté. Il ne reste plus qu'à acheter la Switch, Boss Dick. Ah, Demon Cross Machina et Smash Bros. Voilà. Mais vous m'avez pas entendu. Hein. Je suis pas... Et puis il y a aussi le Devil May Cry avec Sim aussi que tu vas acheter. Ça, genre, ah, tu allais. Non, parce que j'aime pas Devil May Cry. Oh là là. Oh, il aime rien. Mais qu'est-ce que je fous là? J'allais dire une saloperie, Pelle, mais on est en direct et je suis gentil car je t'aime. Ah non, je veux pas. Non, mais je t'aime. Quelle bande de joyaux de drill quand même. Ouais. Bon, bah, je crois qu'on a fini pour Ubi, non ? Oui, ben oui, on va pouvoir souhaiter aux gens. Oui, tout ce temps-là. Merci de nous avoir écoutés dire nos bêtises, comme d'habitude. Merci aux gens du chat. Merci de nous avoir suivis. on va vous souhaiter une bonne nuit, vous dire à très bientôt pour un nouveau podcast. Avec un sujet très bien préparé. Bah, c'était préparé, hein. Qu'est-ce que vous, est-ce choses, vous... Des choses à dire. Attention. Le sujet de dans 3 semaines à moi. Ah oui. Et là, c'est le moment où on se dit, merde, c'était quoi la commande déjà? Ouais, non, c'est pas Discord. Non. Allez, Fury. C'est pas encore. Celle-là. Attends. C'est Collec. Non, c'est pas ça? C'est... Non. On est nul. Discord collectionneur, je crois que c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Mais par contre, mon bot, il vient encore d'exploser en plein vol, en fait. Bon, c'est pas grave. Bon. Je tente. Non, mon bot vient d'exploser. Non, mais c'était Discord collectionneur, mais Boubot vient d'exploser en plein vol. D'accord, très bien. Alors, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le Discord que vous n'avez pas. Voilà. C'est ça? C'est comme ça. Hop. Et. Lien manuel. Et donc. Oh. Sur ce. Oh non. La bonne nuit. La bonne nuit. Nous vous souhaitons une bonne nuit. Bisous. Et n'oubliez pas de jouer surtout. Bonne nuit les enfants. Des bisous et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Au revoir.